bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Y'a une bière sur la table. Non, je tiens à Manus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Ils sont longs. T'as tout pourri, putain. Regarde ta montre. Il est déjà 8h. Embrassons-nous tendrement. Tu es même pas bourré, il chante déjà. Une camionnette t'emporte. Tu t'en vas, mon cœur. Parmi les fauteuils roulants. C'est une journée idéale pour rouler dans la forêt. Je trouverai plus normal d'aller te violer avec Founiré et mille louis au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Oh non. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les barreaux que l'on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Et mille louis au soleil. Regarde-moi et monte. Oh putain, c'est pas fini. En bas, en déambulateur, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles. J'ai besoin de tant d'amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tout allumés, c'est déjà la nuit. Et dernier refrain. Et mille louis au soleil, c'est une chose que l'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Ah oui, c'était quoi, c'est horrible. C'est quand on est derrière les barreaux. Quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Il est parti, mon ami, il s'appelait Émile Louis Joly, et c'était mon ami. Et voilà, c'était pour la splatate. Merde, attends, je crois qu'il y a un problème, va falloir la refaire, je vais pas lancer l'enregistrement. C'est ça. Non, putain. Moi, je suis déjà parti. J'étais en train de chercher la porte qui lui coupait les couilles, voilà. La porte qui monte si haut là. C'était mon intro. Oh merde. J'espère que ça vous a pas plu. Non. Oui. Ah. Vous voyez que quand on veut pas. Disons que là, tu pars fort quand même. Ah ben. Eh. Non, en fait, je voulais faire un tour sur les comics. J'avais la flemme. J'ai pris ça. Ça allait plus vite. Ah ouais, bah t'as raison. T'as raison. T'aurais eu tort de te priver, remarque. Mais c'est JP Aznavour. J'étais obligé. Donc voilà, c'était mon intro. Donc bienvenue dans cette 10e session. Mais tout le monde s'est déjà barré. Ah ben non, on a perdu qu'une personne depuis tout à l'heure sur le live, c'est bien. Donc alors on est bienvenue pour cette 10e session d'apéro original, donc 10.1. Oui. Alors avec nous, ils n'ont toujours pas fui. Mais là, j'avoue, c'était limite. Hein. Et comment voilà, ça hésiter déjà. Vous les entendez. Le doute. L'habite. Non. Les habitants. Voilà. Donc avec nous, ce qu'on pourrait appeler des sociétaires. Hein, comme dans les grosses têtes. Oui, du coup. Ah bah, si en plus tu te mets à parler des grosses têtes, là, moi je vais me barrer direct. Ah bah, merde. Rire de Philippe. C'est con. Restez là. Avec nous, le sociétaire maître de maison, Azertov. Coucou, c'est moi. Voilà, toujours ici. Enfin, toujours pas parti, visiblement. Non. Et Asto, voilà, qui fait partie lui aussi de la mafia 81. Dépité. Qui se dit, mon Dieu, quelle horreur. Mais salut quand même. Désolé. Vous aimez aussi les intros. Merde. Donc avec nous, alors un invité, votre voix, si cette voix vous paraît, vous l'avez déjà entendu dans ce podcast, et bien c'est tout à fait normal, car il est déjà venu dans ces murs, et dans ce podcast, c'est l'ami Tocheux. Allez, chats. Voilà, Tocheux du podcast Roule avec moi. Exact, Roule avec moi. Vous pouvez écouter ronchonner... engueuler les gens. Les cyclistes aussi. Les cyclistes, tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade. Ouais. De temps en temps, mais souvent, quand il y a un temps, le moins peut-être, je ne sais pas. Ouais, non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est... Non, non. Bon, de toute façon, faut pas qu'il réponde. Hein. Ben voilà. C'est un coup de frein à main, ça arrive vite. Hein. Et encore avec nous, alors pas Wish qui a décidé de faire le crevard et de pas venir, mais Jonjo. Salut, salut. Voilà. C'est un plaisir d'être là encore. malgré cette introduction. Ah ouais, on dirait pas, mais si, si. J'ai vu un œil hésitant quand même. Ah, mais j'imagine. Un appel au secours discret. Wink. Wink. Donc alors, juste avant de passer au programme de cet épisode, nous allons rappeler que nous sommes diffusés sur Pod Radio normalement. Oui, la dernière fois que j'ai regardé, on était sur, sur 3 canaux sur 4. C'est-à-dire que plus on fait de la nord, plus ils nous passent partout. Ouais. Hashtag invité du TGS d'ailleurs. Si tu nous écoutes passe partout. Voilà. On dirait au TGS. En direct de Fort Boyard. C'est-à-dire que la prochaine fois, si je chante des chansons d'Asie, on va passer sur plus de canaux encore. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de créer des canaux pour nous. Ah, on sera sur la radio, feu la radio de machin de l'Esken. Ah oui, c'est vrai. La radio Courtoisie. Radio Courtoisie nazi. Radio court nazi. Ouais, court nazi, court, loin. Donc, pour l'instant, on est toujours diffusé jusqu'à preuve que Skakis, à force, il m'entend. Voilà. Et après, on pourrait dire que l'équipe sera présente. Alors, je vois qu'il y a une grosse faute. Ça a été mal. Alors, on est. J'ai corrigé. Hein? Je viens de le corriger. Ah, tu l'as corrigé parce que j'ai pas rechargé. Parce que moi, on était encore du 31 mai au 1er avril. Oui, c'est pour ça. Ça fait quand même longtemps. Ah oui. C'est pour ça que j'ai vu, j'ai remplacé par mars. Voilà. Et j'ai pas remplacé sur le dernier d'ailleurs. Oh là là. Alors, on sera à Podren. Ah. Oui, voilà. Dans l'événement. Nouvelle qui est bonne. Alors, on sait pas qui il y aura. Voilà. on y sera. Ouais. On y sera. On ira. Non, c'est l'événement podcast. Ah oh, non, on peut pas chanter là. On peut pas chanter. Sinon, je suis parti moi. Donc il y aura les événements du viol. Non, ce qui se passe à Podren reste à Podren. Donc il y aura des activités. Tu peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut quand même prévenir les flics de Podren quand même. Enfin, les flics de Buren quand même. Enfin, Bah non, si tu viens pas, il y a pas besoin. Mais si tu viens, oui. Donc oui, il va falloir les prévenir. Ouais, en même temps, si on me viole ici, je vais pas aller à la reine pour. On posait une main courante, hein, ou un truc. Ça fait 5 minutes, c'est déjà n'importe quoi. Au bout d'un moment, merde. Hein. Donc voilà, vous aurez plus d'informations dans le courant de l'année, hein, parce que là c'est le mois d'octobre, alors vous comprenez bien que le mois d'avril, mars, avril, c'est un peu, c'est pris et loin à la fois, alors vous vous débrouillerez, vous allez sur podren.fr, vous suivez les réseaux sociaux et vous vous débrouillez, vous êtes assez grand. Hein. De toute façon, si vous nous écoutez, voilà. Et avant de passer à la dégustation, on va peut-être faire un petit happening, voilà, que je qualifierais d'apenisant, vu la qualité de l'happening. Je le sens. Donc, pas le truc. Monsieur, est-ce qu'on se anunarise? Non, ta gueule. Ah si, moi là, je le fais. C'est pour le coup, je me casse vraiment. Ouais. Oh, mais Non, parce que t'étais le premier à gueuler dans le dernier épisode en disant non, on parle pas de TPMP, machin, truc ça, et là tu commences à nous l'introduire. Ça sent l'enculerie. Oh, ça alors, ça sent l'enculerie à plein de tuyaux. Non. Alors, pour vous récompenser d'être venu nous rejoindre, voilà. Putain, comme si j'avais fait un effort. On a pris ça. Oh merde. Oh, les cons. Vous avez posé? Eh bah si. Si. Oh. Et le pire, c'est que j'ai failli vous en parler hier soir. Ah. Ah bah, on espérait qu'on nous en parle alors. Alors, pour ceux qui nous écoutent quand même, c'est un coffret avec une jolie bouteille de Black Mountain. Donc c'est un whisky d'ici, d'Occitanie, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Le numéro 2, c'est ça. Le numéro 2, ah, parce qu'en plus ils sont numérotés. Ouais. Ah, tu vois, j'ai manqué l'information dessus. Voilà, une belle boîte avec deux verres. Tiens, Jean-Jean, regarde si tu veux. Mais en même temps, les gars, fallait pas pour nous. Enfin, pour moi, c'est toujours un plaisir de venir ici. Jean-Jean, c'est la première, j'espère qu'il va pas regretter. Non, bah non, attends, il va avoir une bouteille, c'est bon, moi. Mais merci, c'est, j'apprécie le geste. C'est normal. C'est, toi, c'est pour compenser la route que t'as fait. En plus, pour aller sur Albi, hein. franchement, j'aurais peut-être préféré une bière de la brasserie Margot. Ah, bah, il doit y en avoir, hein. Il y en a une, ouais. De toute façon, on va se goûter ça tout à l'heure. Oui. Ah, bah voilà, tu vois. Je savais bien qu'on n'était peut-être pas venu pour Arles. Donc, c'était un happening de qualité. Mais je vous remercie. Il y avait les cadeaux de l'apéro du capitaine. Bah, nous, c'est les. Nous, c'est l'inverse. Ah ouais, là, honnêtement. Oh putain, c'est avant en fait. Là, il y a du level quand même. On reçoit pas les cadeaux des auditeurs. On offre des cadeaux aux invités. Ah, et les invités viennent pas les mains vides non plus. Non, oui, ah, bien sûr. Ah, ça, non. Attention. Oui, enfin, un invité. Parce que l'autre, il est à moitié sociétaire maintenant. Je suis à moitié sociétaire maintenant. Un vote de sociétarisation. Ah, d'accord. Ce sera voté au prochain comité directeur. Voilà. D'accord, très bien. C'est bon, à voter. Ah bon, bah ok. Vendu. À l'unanimité, sociétaire. Donc, du coup, voilà, il fallait faire un petit du coup quand même. On va passer à cette rubrique que le monde nous envie. Le c'est bien ou non. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Elle est folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! C'est ah, j'ai buena. Froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous, filles, dégage ! Fille ou pas ? Bah... On ne saura jamais. On ne saura jamais. Pour l'instant, elles ne sont toujours pas venues jusqu'ici. Tu m'étonnes. En plus, en deux, faut qu'on y aille. Tu vois, vous gagnerez. Quand t'as ton temps, mon gars. Quoi, ma chanson ne leur a pas plu? Je pense pas. Là, honnêtement, j'ai des doutes. Mais bon. Qui vivra rien. Hein. Entre Néné, bien évidemment, le gros décapsuleur du destin. Toujours là. Et je vais le passer à Touche. Non. Si vraiment tu me connaissais, tu saurais que le décapsuleur, t'as pas besoin de me le passer. Oui. Ah oui, c'est vrai. Tu lui passes, mais il passe virtuellement. Pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il a toujours le décapsuleur des Lightning de Tampa Bay. Donc voilà, donc on va s'ouvrir chacun une petite bière. Alors, qu'est-ce que c'est-il donc par quoi qu'on commence? Gandalf a été plus fort que tout, il a réussi à me convaincre quand même. Enfin, à me pousser un petit peu sur le chemin de la curiosité où je commençais à m'engager. Ah. Et j'hésitais dans la Korsendonk. Et je me suis donc rabattu sur une Korsendonk brune, qui est titrée... La Pater du Bel. Deux. Pardon ? La Pater du Bel. Oui, exact. D-U-B-E-L. Qui est titré à 6,5 degrés. Alors là, ils ont fait des tout petits pictogrammes. Donc la madame qui a un polichinelle dans le tiroir, faut pas qu'elle y touche. Par contre, c'est tout bon pour la touche au mobile. Non, mais ça va alors. Donc c'est bon. Viens avec moi, tu vas voir, on va aller loin. Allez, on va s'ouvrir ça. Ah, déjà, ça fait un bon bruit. Attends, bouge pas. Surtout, tu t'éloignes pas de tes écouteurs. Je rapproche la chope. Oui, parce qu'on boit dans des shops offerts par le B&B de Castres. Merci à eux. Je sais pas si ça s'entend bien. Si, ça s'entend. Hop, pas trop de mousse, hein, sans faux col. Putain, y a à manger là. On va laisser poser ça tranquillou. Eh. Pire, ça aurait été mieux. Un petit 50-50, c'est parfait. Et, t'as vu ça un peu ? Allez, on va poser ça là, on va laisser reposer tout doucement. Et je serais presque prêt à prêter mon décapsuleur. Mais... Alors tu fais gaffe, il y a les clés de la touche au mobile dessus. Ah non, mais c'est à toi de le faire diffuser même. Ouais, je sais. Ouais. Mais je disais-tu pour pas exclure l'auditeur. Ah, pour pas exclure l'auditeur. Je vais passer ça à mon petit voisin Asto. Hein, bon gauche, courage, ouais. Bonne année. Alors, mois d'octobre oblige. Mois d'octobre oblige. Oblige. Je suis parti sur une bière de l'Oktoberfest. Mais vu notre expérience des bières Oktoberfest Sur le pipi, quoi. De l'année dernière, je me suis dit, je vais prendre la plus chère possible des bières proposées pour l'Oktoberfest. J'ai donc pris une Spaten à 2,40€, la bouteille de 50. Ah oui, effectivement. Ça plairait à Ben. Ouais, c'est clair, c'était trop. C'est du format économique. Et il livre les cachets pour la tête avec ça ? Ça va être transparent, je pense. C'est de l'AG, alors ça devrait pas trop... Ah, mais c'est de l'eau ? Non, c'est de la pisse. C'est les deux. Ah, si j'avais su, j'aurais amené les bandes de la Turinard. Putain, cet écho, c'est infaisable. Faudra me dire quand il y aura des jingles, parce que je peux pas. JPP. Oh. Et sinon, une bonne choucroute avec ça, mon gars ? Ouais. Je suis pas très choucroute. Oh, ça, c'est parce que t'as pas goûté. Goûter, on va goûter. Et du coup, je vais avec faire... Avec ou sans allusion ? Je vais faire avec. Passer... Avec ou sans saucisse ? Je vais faire passer les clés de la toche chamomile à Jonjon. Eh bien, merci. Eh bien, pour moi, ce sera une O'Hara Irish Stout. Mais il me semble que quand je l'ai acheté, je me suis dit, vous l'avez déjà eu, il me semble. Hein. Le nom me dit quelque chose. C'était pas Guillaume, mais... Je sais plus qui c'était, mais... Toi, c'est non. Quelque chose. Moi, non, bon. Oui, je mets... Ouais. Bah, c'est pas moi, c'est sûr. Non, moi non plus, les Stout, c'est pas forcément mon délire. Stout les rageux. J'aime beaucoup les stouts. Donc, stout à bagage. Ça va être bien foncé. La mousse est censée être fine. On va vérifier ça. Je vous l'ouvre de suite. Ah, on s'ouvre ça tout de suite. On s'ouvre ça tout de suite. Ouais. Non, c'est tout calculé, je vous jure. On a pas de mousse, c'est bien. Une mousse fine. Comme la bite à Gandalf. Qui a dit ça ? Attends, c'est pas bien ça. Moi je fais de la mousse fine. Ça va revenir à la bah, mousse il paraît, de ouais. dans Je fais de la mousse fine, bon. Ouais. C'était un petit jingle en retard. Ça tombe bien parce que je l'ai écouté en retard. Du coup je l'ai loupé. Même avec l'écho, tu l'as en retard. Du coup je l'ai loupé, même avec l'écho, je l'ai loupé, tu vois. Mais c'est un joli pétrole, on dirait. Ouais, c'est une stout. Tu me verras pas au travers. Hein. Tu me verras pas au travers. De pas comme la mienne. De quoi ? Un peu comme la consonarde de tout à l'heure. Ouais. Dans la consonarde tout à l'heure, tu sentais qu'elle était un peu plus épaisse. La mousse, elle avait son intégrité très physique. Ouais, pour une stout, elle a l'air quand même pas mal fruitée, avec une petite odeur de caramel. Ouais. Je pense que ça va être pas mal. Attends Passe le décapsuleur. Oh, le décapsuleur. Ce crime de lèse majesté. Sinon, je t'attaque au limonadier. Je vais éviter le limonadier, donc je vais passer le décapsuleur de la toche mobile à... Voilà. Il a tout compris à comment ça marchait. Alors, Oktoberfest oblige... j'ai pris... J'ai déjà dit ça. Oktoberfest oblige. Je fais ce que je veux. C'est le comique de répétition. Ah, pardon. Toi, ça, c'est un comique qui va plaire à Cobal. Toi, il aime bien le truc de répétition. Donc j'ai pris une... Il y a bien le truc de répétition. Comme les Ducos. Comme les Ducos et les... pas du tout. N'est-ce pas du tout. Les lapins, c'est gentil. Ah oui, d'accord. Non, j'y étais pas. Sortez les rames. Sortez les rames, on attaque la Je crois que ça va pas faire du tout nos auditeurs, déjà. Non. Déjà, rien qu'avec la musique. Ouais, alors, déjà, on a récupéré une Polainer Oktoberfest Beer 2017. Donc, très bonne année. Un petit coucou en même temps à Le Milou qui est très fan de Polaner. De Polaul. Hop, la décapsulage, le rendage de clé. Mais attends, il n'y a pas le nain là qui a la Non, le nain il veut. Le nain, moi je vais faire avec le. Il va s'en mettre partout et tout. Il serait capable de se blesser avec un vrai décapsuleur. Et je verse. Ah, pas la même couleur. C'est un peu la même couleur. Non, si. Si. Ah, par contre, au niveau du bulage, ouais, quoique. La mienne. La mienne n'a pas du tout kiff, moussé, kiff. Par contre. Franchement, ça doit être kiff. Est-ce que tu vois le soleil ? Moi, je vois à peu près le soleil, ça va. Jusqu'ici, ça va encore. C'est pour regarder l'équipe, par contre, c'est pas mal. Si tu pouvais ouvrir les volets, ça m'arrangerait. Ah, les volets sont déjà ouverts. Ah, d'accord. Ouais. Donc, pour info, donc, pas de toche mobile, pas de femme enceinte, et c'est une 6%. Ouais, pour ce que j'avais à dire. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Voilà. Allez, Forrest Gump, ouvre ta bière. C'est comme une boîte. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Des fois, c'est périmé. La vie, c'est comme une bouteille de l'Octoberfest. Oui, et puis quand t'as des problèmes, t'envoies ta maman. Ça, des fois, ça sent le pipi. Des fois, ça sent le pipi. Des fois, c'en est. Alors moi, ça fait longtemps que je l'avais teasé, je vais déjà la, ramener une à, à la saison d'enregistrement précédente, donc c'est... Oui, précédente, oui. Et même précédente. Ah oui, mais je crois qu'en fait, j'avais, comme j'avais déjà tout ce qu'il fallait. Donc c'est une Sapporo, c'est une bière japonaise moins connue quand tu t'intéresses à la bière japonaise, avec les Kirin, avec les... Asahi, oui, voilà. Ça fait partie du trio magique. Mais quand tu t'intéresses à la bière japonaise, t'es obligé de tomber là-dessus. Donc, et ça, j'ai trouvé ça chez Lidl. Ouais, introuvable ailleurs, mais trouvable chez Lidl parce que. T'as voulu nous faire une Benjir ou. Ah non. T'es sorti hors des sentiers battus, mais. C'est de la bière japonaise Lidl. Merde. Ah ben non, mais les Gauloises que j'ai bu dans le dernier épisode, c'était Lidl aussi. Hein. C'est très bonne bière. Ah ouais. Ouais, ils ont quelques trucs de temps en temps. Bon, après, c'est sûr, faut mieux pas prendre leur Kingsbrough à eux parce que autant te dire que tu vas pas aller très loin. Si, ah, tu vas aller. Ensuite, si tu commences à taper dans la top qualité de chez Lidl, là. Si, tu vas s'en sortir. La Kingsbrough. Ouais. C'est comme la Kingsbro. Ouais. D'accord, avec deux doigts en plus, c'est ça? C'est la Kingsbro. Pour vomir. Ouais, voilà. On en avait pris une fois en vacances avec des potes, on pouvait pas la boire si on le diluait pas. Ouais, tu mets du pipi. Comment tu fais pour diluer ça avec de l'eau? C'est déjà non, de mais on mettait pas de l'eau, mais on mettait du sirop, n'importe quoi, tu vois. Tu mets du piquant. Ouais, tu mets du piquant. Histoire de la corser un peu. Oui. Je sais plus, je crois, nous on mettait du sirop de pêche, ou des trucs comme ça quoi. On mettait des trucs quoi, parce que sinon. On mettait des trucs. L'autre il en est arrivé à un tel point de dégoût qu'on mettait des trucs, tout ce qui passait. Tout ce qui passait. On a mis les orties, on a mis les fraises sauvages, on a tout mis. On a rien gardé. Oh le con. Alors je vais décrire. Alors ma Sapporo, alors elle est par contre à 4,7 degrés. Et pareil, on peut la mettre dans la. Donc quoi ils roulent les Japonais dans leur Nissan toute moche, là, toute cubique là. Attention, hein, maintenant Nissan c'est français. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas la cube. Oui, un truc moche comme ça, là, ouais. Tu peux le mettre là-dedans. Et par contre, le polynichin, les chinelles, tout ça, non. Interdit ça. Ah ouais. Sinon, ça freine la croissance. Bon, je pense. Là, si tu prends la Finsbro, par contre, ça va sacrément lui freiner la croissance. Hein, ça doit même tuer les neurones, cette histoire. C'est clair, ça aussi. Ouais, c'est. Mm. Ça mousse pas des tonnes en plus. Hein. Alors, je tiens à préciser, ce n'est pas moi. Moi non plus. C'est moi, je crois que c'est Mimi. J'ai lui fait le zoubi. C'est parce que je vois pas où je suis, là, entre les câbles là. Mais là. Le mec, il voit pas où il est quoi. Ah, mais non, mais j'ai la tablette. J'ai des câbles. C'est comme les trous du cul, hein, tout le monde en a un. Ah bon? Ah bon? Il y en a quand même plusieurs. Il est con. Bon bah. Bon, on va goûter ? On goûte, bah voilà. Eh, t'as vu ? Mmh. Allez, santé les gars. En plus, on peut trinquer avec nos chopes, hein, mais. Ah putain, c'est fait pour. Eh, c'est raccord. Hop. Il me fait peur quand il me regarde comme ça. Ça, je te jure. Oula, on a failli croiser. Oh putain, on a failli croiser. On a failli croiser les effluves. Allez, santé les gars. On va. Épices. Non ? Ah, un petit goût de miel. Oui. Toi aussi ? Juste au nez. Non, il faut savoir que la première gorgée de sperme a un goût de citron, d'après une certaine personne qu'on salue. C'est là que t'es content d'avoir l'écho, parce qu'en fait, tu comprends pas la moitié de ce qu'il dit. Et du coup, ça t'évite d'éternuer dans ta bière. Clairement, mais... Ah, clairement, le sperme a un goût de citron. Non. Attends. Clairement, goût de miel. Ah ouais, non, mais la mienne aussi, en fait. C'est-à-dire que les Allemands se sont améliorés par rapport à l'année dernière. Non, cette année, ils ont dû foutre du miel dans... Non, il n'y a pas l'odeur de pisse, mais par contre, il y a un goût de miel. Non, mais ça, ils se sont sentis en danger avec les... Ils n'arrivent plus à vendre leur machine-outil, là, aux petits chinois. Alors, il faut qu'ils se rattrapent, quelque part. Alors, ils vendent des bonnes bières, maintenant. Voilà. Ça doit être ça, je pense. Putain, j'ai eu peur, je croyais que c'était en ligne pendant un moment. Bon, la suite, parce qu'ils sont bien, vos blancs, mais... Non, c'est des blancs normaux, parce qu'on déguste des bières. Pour dire qu'au final, cette année, elles sont bonnes, en fait. Je suis déçu, putain, je l'avais pas pris parce que j'avais peur d'être déçu comme l'année dernière, avec ce goût de flotte. Si inimitable, on aurait pris de la Rosana, ça aurait été mieux. Paix à son âme. Ouais, Pierre Papillot, si tu nous écoutes, de là où tu es. sans toi. Et puis si t'écoutes pas, tant pis. Mais jamais on aura notre Rosanna Flix. Ouais. Une grande déception. Rosanna Flix. Ouais, c'était déçu. Toutes les pubs de Rosanna, un illimité pour 10 euros par mois. C'est un troll, c'est pas possible. C'est con, cela. Non, mais tu sais, aujourd'hui on entend des trucs tellement cons que ça me surprendrait même pas. Hein. C'était le compte président Rosanna qui avait posté ça sur Twitter. D'accord. Tu veux dépruner maintenant? Ça ou. Tu veux faire péter une prune? Tant qu'on est encore sur la bière, ça ou autre chose? Moi je vous préviens, la prune à ce temps-ci c'est pas prudent. Moi je pense qu'on va dépruner rapido aussi parce que. Parce qu'après, on met du temps à le boire. Oui. Voilà. Faudrait pas le garder pour l'épisode d'après, enfin. Ah, mais c'est comme vous voulez. Allez, bon, on va commencer par la bière. Hein. Alors, je laisse la présenter par contre. La bière ou. On va faire les deux, non? De toute façon, on est déjà à demi-heure d'émission, alors. Non, mais c'est vrai, on a 25. Oh, putain, mais il y a ce moment, merde. C'est toi qui présente ou c'est toi qui choisis? Allez, bière, et après, on fait le. Tu te démerdes. Hein. Alors, du coup, donc, la bière qui sera mise de côté pour cet enregistrement, en plus, qui sera partagée. Donc, c'est une bière de la brasserie de Vézelay. C'est une IPA. Donc, c'est une craft beer IPA bien houblonnée. Donc voilà, ouais, c'est ce qu'on va goûter. C'est par rapport à la loi de pureté, on en revient toujours, allemande. Ouais, hein, très de cher. De 1600 et quelques. Ouais, très à cheval sur la pureté de la race, les Allemands. Ah ouais. Non, mais celle-là, elle est de l'Oli, donc je peux me permettre de la faire. Elle me fait beaucoup rire, donc je me permets de la replacer. Je crois que c'est à peu près la même loi ou la même décret pour la bière. Ouais, mais c'est ça, c'est sur la pureté de l'eau, je sais pas quoi, qu'ils c'est utilisent, ça. Ouais. Donc eux, ils brassent leur bière de cette façon-là. Donc là, on va déguster en plus une IPA. Eh ben, qu'est-ce qu'on va se mettre? Oui. Donc je sais pas si on l'ouvre tout de suite, histoire de goûter, ou si on attend un peu. Quand on la met de côté. Oui, on va se la garder là, puis voilà. Le premier qui a fini sa bière, il l'ouvre. Voilà. Pas de problème. Et ensuite, on a la poire. La poire, du coup. On prend la poire? On est toujours. Alors, bah, ouais. C'est exactement histoire la même poire que la dernière fois. Donc c'est la ferme de Pérouse, qui est... Faut aller se cacher, faut aller là-bas, après Tanus, là, quand t'as la frontière à l'Aveyron, ce pays... Ça y est, il est habité. Est-ce que c'est après Barqueville? Non, c'est pas après Barqueville, le con, putain. T'es là, t'es avec ton saucisson pour te défendre, tu coupes en deux pour en faire des nunchaku. Des nunchakouilles. Des nunchakouilles. Et là, et quand tu te sens pas bien, t'es là, t'es dépressif. Un petit coup d'oignol et c'est reparti. Alors par contre, celle-là, elle titre à combien? Parce qu'il n'y a rien de marqué là, sur la bouteille. Ah ça, je sais pas, je préfère pas savoir. À 100. Non, pas à 100, mais... Non, des fois dans la vie, vaut mieux pas savoir. Et là, tu vois le White Spirit? Bah c'est au-dessus. Ouais. Ah d'accord, ouais, c'est bien. Après, t'as l'esprit blanc, là, t'as l'esprit très noir, hein, après. Ah bah là, déjà, s'il te reste de l'esprit, après ça, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal, tu peux t'estimer heureux, je pense. Mais pourquoi tu tousses? Alors t'entends? Pourquoi tu tousses? Avec ça, tu vois, tu vas bien tousser. Voilà, donc c'est... Tendez vos auges. Alors, tiens, fais les niveaux. Il va falloir après des sous-bocs. Alors, je pense Moi, je suis équipé en sous-boc, normalement. Moi, je ne veux pas. Toi, t'as déjà pas pu finir hier soir, donc... le garçon, il est privé de désert. J'ai fait déjà l'effort de boire la moitié du verre hier soir. Ça. Je me suis forcé pour finir la moitié du verre. Eh ben on va se servir de cette petite eau de vie de poire, parce que nous, on est comme ça, on nique le game. Mais c'est normal donc du coup que t'aies pas les infos là, que ce soit pas titré, qu'il n'y ait pas d'étiquetage, rien, c'est quoi, c'est du frelaté, c'est ah, ça, je c'est sais de la pas. Contrebande ou bien? Non, on peut l'acheter et tout, hein, c'est 18 euros. Voilà. Et t'achètes ça où alors, en grande surface? Non, la ferme. Ah, la ferme, Alors, je suis allé moi, j'en reviens à ma question, il n'y a rien, il n'y a aucune info sur le produit, il n'y a rien, il n'y a pas de fais gaffe, t'en fous sur ton clavier. Il n'y a pas de titrage sur le produit. Comment il peut avoir une licence pour vendre ça? C'est tombé sur ton pantalon, je pense. Comment il peut avoir une licence pour vendre ça, le gars? Ah putain, ça vaut le coup de poser des questions intéressantes. Ouais. Putain, je te jure. Merci. Et tu veux finir vert, toi, déjà? Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Merci pour toi. Ça y est, avec les vapeurs, là, je commence à... Ah ouais, moi aussi. Je commence à monter en régime, c'est bon. On est bien. Oh bah dis donc, on a pris une claque. Bah, vu que là, c'est en plus des verres classiques. Ah, mais c'est sûr qu'on a bien. Non, toi, ouais. Partout, nickel. Hier soir, on avait des petits verres. Ah, ils verres. Étaient plus petits, les verres, oui, c'est ça oui. Ah, mais c'est les verres Duralex, là, où il y a le numéro Duralex. En dessous. Ouais. Non, il n'y a pas de numéro en vous connaissez l'histoire des numéros en dessous? Non. Vous n'avez pas entendu? Non. C'est parce que, normalement, ça va de 1 à 50, et c'est le numéro du moule qui a servi à fondre le verre. D'accord. Donc ah, en fait, tu ne peux pas aller plus haut que 50. Moyen numéro. J'ai 6. Ouais, mais ça peut pas ça. A noter quand t'aurais servi le. Voilà, mais ça je le sais pas depuis longtemps, c'est en écoutant. Quand t'aurais servi l'eau de vie, t'aurais fait pareil, t'aurais retourné le verre aussi. Hop là, oh merde. Sur ton clavier. C'est en écoutant le podcast Chose à savoir que j'ai appris ça. Il en saura un quotidien. Alors il y a Chose à savoir, science, nature, je sais pas quoi, machin. Moi je crois que c'est le généraliste que j'ai et c'est là-dedans que j'ai appris ça. Chasse nature. Voilà. Donc c'est cadeau. Un peu du de coup, culture, ça vous fera du bien. Vous aussi vous regardiez le numéro pour savoir qui c'est qui allait chercher l'eau à la cantine. Ah non, moi c'était pour savoir l'âge. Oui, voilà. Nous c'était pour savoir l'âge, ouais. ASB. Ah, nous on regarde. Et il cherchait pour avoir la taille de son sexe, mais il a jamais tombé plus haut que 2 ou 3, donc il a arrêté. Nous on regardait le numéro, celui qui avait le plus petit, le plus grand, bah, il était de corvée pour aller chercher les carafes. Ah, d'accord. C'est bon, bah c'était un plaisir de vous avoir connu. Ouais. Ah, moi je suis déjà allé, hein. Je suis pas. Enfin là, si tôt dans l'après-midi avec si peu de choses dans le bide. Non, mais tu peux manger, vas-y, grignote, t'es pas obligé ah, de manger. Ah non, je peux pas infliger ça aux gens. Je peux pas infliger ça aux gens, c'est plus fort que moi. Non, ou alors il me faut des trucs mous. Et ça, ça va pas sortir du contexte. Alors si tu veux. Mais il y a de l'artichaut. Les gratons, c'est mou. Ouais, mais non, voilà. Je fais ça à la pause. T'avais dit des trucs mous. Chico. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Ah putain, une fois on fera des mini knackis là. Oui. Comme ça, on pourrira notre bilan carbone. Encore plus. De suite. Toujours. Si on commence à avoir des écolos à la table, on est alors, pas... on en est déjà à demi-heure. On a fait que l'intro. Heureusement qu'on n'a pas des putains de jeux à gratter. J'ai oublié d'en acheter d'ailleurs, j'ai failli. Tu veux faire les sous-sous dans la poche. Ouais, d'accord. Ah, c'est-à-dire que maintenant on assume carrément le côté plagiat. Non, c'est bien. Au moins ça met les couilles sur la table, c'est très bien. T'inquiète pas, dès le premier, c'était l'apéro du capitaine, la nuit originale. Ça a été dit. Texto dans l'intro. J'ai pas souvenir. En fait, si t'écoutes l'intro, c'est les 2 premières minutes du premier épisode. Le reste, après, c'est que d'accord. Du remplissage. Et le dernier. C'est marrant parce que toi, le remplissage, c'est pas ton truc en plus. Toi, on était tellement loin dans le concept que la dernière partie, bah, c'est directement à quoi qui se passe. Ah là, oui, d'accord. Là, c'était début d'enculerie en fait. Ah oui, c'est. Bon, bah allons-y. Et la première bière du premier épisode, alors c'est une Corse et un donc blanche. C'est moche. Et le pire, c'est que j'avais complètement oublié que j'avais bu ça en plus. Donc j'ai réécouté pour faire ah ouais, mais en fait, il y avait tout. Là, d'un coup, première bière, j'étais là, oui, alors, Corse et un donc blanche. Mais non. J'ai dit, l'inculerie à son point le plus inculant. Donc, bah, maintenant, alors, au programme de cet épisode, je ne l'avais pas dit, mais on va avoir là, tout de suite maintenant, un petit quiz Azertov qui s'appelle C'est presque comme Albator. Ah, c'est pas un quiz, un dossier. Un dossier, pardon, oui. Ah. Albatar, le faussaire de l'espace. C'est presque comme ça. D'accord. Ah. Et après, on aura un quiz musically, un blind test donc de Asto sur les musiques animées manja. Et après, ça restera là-dessus parce que je pense qu'il y en aura suffisamment. T'as pas le conducteur à jour, oui. Mais c'est pas grave. Ah bon, il y a encore un truc ? Oui. Ah, c'est là qu'on rajoute. C'est là qu'on rajoute le nouveau truc en plus. Alors attends, je recharge. Voilà. Il y aura une rubrique surprise. Surprise. Ah moi il veut pas. Entre les deux. Ah mais il veut pas alors. Les deux chroniques. Voilà. Donc il y aura une surprise. Et... Pardon. Voilà. Donc on va passer à votre quiz, monsieur. Dossier. Oh putain, je m'y fais pas. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Et comme bien sûr je suis un professionnel du podcast, bah juste pendant mon jingle, je mets 2 gros morceaux de saucisson dans ma bouche et je vais les mâcher au fur et à mesure de mon tu dossier. Fais ce que tu veux avec le saucisson. Du coup, question. Est-ce qu'un jour on va vraiment avoir le dossier apprentissage de dessiner un personnage sortant des flammes internationales. Ouais, je vous mettrai la vidéo. Ah, le jour on passera en plus vidéo, tiens. Dans longtemps. Merde. Donc mon dossier, c'est sur un truc qui est presque comme Albator, qui est Avatar, le dernier maître de l'air. Ah. Sur l'univers, etc. En fait, tu voulais pas dire le titre. C'est ça. Mmh. C'était un petit peu. Bah, c'est presque comme Albator, Avatar. Alors presque. Presque. À deux capis près. Disons que dans 2 heures, ce sera vraiment presque. Pour l'instant, on n'y est pas. T'as le temps, en plus, tu peux. Vas-y, mâche. Tu vois, dans la dernière émission, là. Mais non, je peux pas, c'est trop gros encore. Il fait le péter, le truc. Ah, mais c'est ça, quand on a les yeux plus gros que le ventre. Oui. Donc, du coup, Avatar, le dernier maître de l'air, ou Avatar, la légende d'Aang, communément appelé Avatar, est une série d'animation américaine de 61 épisodes de 24 minutes, créée par Michael Dente DiMartino et Brian Konietzko, et diffusée entre le 21 février 2005 et le 19 juillet 2008 sur... Nickelodeon. Il y en a, c'est-à-dire qu'il est au patrimoine mondial de l'Ikune... Comment il s'appelle ? DiMartino ? Non, l'autre. Konietzko. Il est au patrimoine mondial du Konietzko. Attends, si tu fais ça... Ouais. Quand t'as du mal, il passe tout seul, tu vois. Hein. Ça serait moi, t'aurais un trou pour, là. Putain. Donc ça a été diffusé en France à partir du 27 août 2005 sur TF1. Sur la chaîne Anikos. Sur la chaîne Anikos aussi, mais aucun rapport, chut, pas de mal. Ça se déroule dans un monde d'arts martiaux et de magie élémentaire aux accents asiatiques. La série suit les aventures de successeurs d'une longue lignée d'avatars, donc en l'occurrence Aang, et de ses amis dans leur quête pour sauver le monde de l'impitoyable Nation du Feu. La série est décrite de manière d'une collection livresque. Donc, chaque épisode représente un chapitre et chaque saison représente un livre. D'accord. Ouais, ok, même si c'est en train de compartimenter, c'est pour ça. Et chaque épisode de ce livre-là est un chapitre. D'accord, très bien. Donc la série présente une riche variété culturelle ainsi qu'une forme de démarche initiatique à travers l'évolution de ses personnages. T'es fait bien, dis donc. Alors là, faudrait le jingle, bravo, tu maîtrises le copier-coller Wikipédia. Ah bon, tu es comme ça, c'est genre à faire de l'enculerie, toi. Oui. Donc, pour le résumé de cette première série, parce qu'on va voir après qu'il y a eu deux séries, donc il y a eu Avatar et ensuite... La Légende de Korra. La Légende de Korra, j'avais perdu son nom. Qui une suite mais qui se passe donc pour l'avatar suivant. Prisonnier à l'intérieur d'un iceberg pendant des siècles, Aang, maître de l'air d'une douzaine d'années, est libéré des glaces par deux jeunes membres de la tribu de l'eau du pôle sud. Aang a un destin hors du commun. Il est l'avatar, chargé de maintenir l'équilibre entre les maîtrises des quatre éléments. Ceux-ci sont répartis en quatre civilisations. Nous avons donc la tribu de l'eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l'air. Toutefois, sa tâche se complique lorsqu'il découvre que la nation du feu a profité de ses 100 ans passés pour semer la guerre et la destruction sur tout le territoire. Normal, c'est la tribu du feu, ils sont là voilà, pour ça. Ils ont ça dans le sang, ils sont blues. Ouais, ils sont chauds, c'est ça ? C'est des gros cons. N'ayons pas peur des mots, balançons, c'est des gros cons. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Pépé ? Je lis en vitesse la page Wikipédia, comme ça j'ai pas besoin d'écouter le dossier. Voilà, t'as bien raison, Pépé, parce que c'est un copier-coller vachement bien fait. Ah, ok, j'ai fini, les gars, on peut passer au quiz. j'ai fait gros des demi-heures. Excellent. Non, mais le pire, c'est que je suis sûr, c'est qu'il a la même appli que moi pour lire le truc, ça doit être, c'est quoi, c'est Spread. Ou tu sais, tu mets le truc à 450 mots minute, un article de 700 lignes, là, tu le lis en 3 minutes, c'est bon, c'est réglé. Donc, Aang est le seul à pouvoir rétablir l'ordre au sein de l'univers. Sinon, il n'y aurait pas d'enjeu. Mais sinon, il n'y aurait pas d'histoire, déjà. C'est ça. C'est bien, ça. Et le petit twist, c'est que il maîtrise que l'air à partir de... Au début. Il n'y a que l'air, voilà. Mmh. Il sait faire que l'air. Il sait que c'est l'avatar. Mmh. Il découvre que qu'il y a la guerre. Voilà. Hein. Mmh. Mais il doit apprendre forcément les trois autres maîtrises, les trois autres éléments, pour devenir vraiment complètement un avatar et buter le cucu de la Nation du Feu. Donc il est aidé par Katara et Sokka, tous deux qui ont justement sorti Aang de l'iceberg. Katara maîtrise l'eau. Et par contre, à l'instar de Randall, Sokka maîtrise les mauvaises blagues. Ah voilà, brigand des vannes pourries. Ah donc c'est pas du pur copier-coller. trois phrases. Et ensuite, un peu plus tard dans la scène, donc c'est vraiment là au début, mais qui sont vraiment que tous les trois. Et un peu plus tard dans la série, il y a Toph, qui est une jeune aveugle, qui maîtrise, elle, l'air. La terre. Ouais, qui est très très drôle, je crois que c'est mon personnage préféré dans la série parce que il y a plein de vannes. Tu vois, là, Randall, il t'aurait dit elle maîtrise la terre, Toph. Voilà, celui-là il est mérité. Allez-y. Ah, quand même. C'est parce que j'ai cité Randall, tu vois. Je cite pas Randall, je la sors comme ça, brute nature, je prends une gifle. Parce que voilà, il y a plein de. Pour revenir sur le personnage de Toph, il y a plein de mimiques où justement elle rit du fait qu'elle voit pas. Il va y avoir Sokka qui dit il faut aller par là dans ce moment. Elle fait mais tu sais que je vois rien en montrant vraiment ça, la main devant le visage. Mais je vois rien, main devant le visage quoi. C'est-à-dire qu'elle-même déjà, elle mime un truc visuel qu'elle peut pas voir. C'est ça. C'est super méta comme concept. C'est pour ça, Toph est top level pour cette série. Donc, ces quatre personnes luttent contre Zuko, qui est un maître du feu, et son oncle Hiro. Et Zuko et Hiro, pour la petite histoire, ont été bannis de la nation du feu. Par le père de Zuko qui est parce qu'il chantait l'empereur. Non. Zukero. Baila. Non. Baila mon reina. Zuko l'empereur mégalou. Ah d'accord. Hop. Là, ça va loin. C'est bon. Celle-là est faite. T'as sur des combos breakers. Là je sens qu'on va en perdre quelques-uns quand même. À force d'enchaîner comme ça. Donc pour la petite histoire, Zuko et Hiro ont été bannis du territoire du feu. De la nation du feu, et ont pour mission de retrouver l'avatar qui a perdu, qui a disparu il y a 100 ans en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on voit pas de suite où est-ce que ça va arriver quoi. Non. Non, mais c'est bien, faut que c'est bien mené. Du coup, ça va mener à quoi? Allez. Une spéculation. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est que je déteste ça en plus. Donc, Avatar, le dernier maître de l'air, se déroule dans un monde imaginaire, habité par des humains, des animaux fantastiques et des esprits surnaturels. Faut savoir que les animaux sont toujours des combinaisons de deux animaux existants. Tu vas voir, par exemple, des loutres, ou des chiens... Loutres. Ouais, des chiens ours. C'est pas ça, la louloutre. Eh bien, ma louloutre. Ça te fait penser quelque chose, non? Le truc de David Mourier. Oui, loufoque. Ah oui, loufoque, ouais. Voilà, donc c'est toujours une... Par exemple, ils ont des tigres-tortues. Mais c'est quoi du coup les animaux qui les accompagnent? Un tigre à carapace. Appa, c'est un bison volant. Ouais. Là, il n'y a pas de combinaison, mais il a 6 pattes et une queue. Et il y a Momo qui est un petit lémurien. Ouais, c'est un petit lémurien avec des grandes oreilles. Avec des grandes oreilles, une queue et une extension de peau au niveau des bras pour voler. Il plane. Ah, comme les écureuils volants. C'est ça. Mais vraiment, juste au niveau que les écureuils, c'est vraiment de membre à membre. Enfin, dire des membres avant vers les membres arrière. Alors que là, le lémurien, il a juste comme si c'était une chauve-souris en fait. Une extension ptérodactyle. Je vois absolument pas à quoi fait référence Pépé. L'excellent film de Shyamalan. Voilà, on va pas parler de ce film de merde. Oula, ce film fait très polémique. Je crois que t'as ta réponse, Pépé. Il y a deux adaptations pourries. La bonne et la mauvaise. D'univers que j'aime bien, dont les films sont catastrophiques. Le Avatar de M. Night Shyamalan et Le Septième Fils, adapté de la série de bouquins de romans L'Épouvanteur, qui est passé sur France 4. Night Shyamalan. Ouais, c'est pas ce dont tu parlais récemment là. Si, ouais, que j'ai fait un live tweet, t'as fait un live film, tweet et t'as failli te tailler les veines à un coup d'enveloppe à la fin. Hein. Ah non, non, je savais à quoi m'attendre, mais ouais. Ah donc, t'es sadomaso en plus. Ouais, mais là, j'ai regardé en VO. Ah, enfin, oui, c'est d'accord. Une petite différence pour dire, mais ouais, même en VO, ça peut se faire mal quand même. Donc, la civilisation humaine donc, est composée donc, de la tribu de l'eau, du royaume de la terre, de la nation du feu et. De l'avatar. Non. De l'air, le feu, l'eau, le matière. Non, il y a l'air, c'est ça. C'est le seul qui l'avait pas dit, mais je n'étais pas sûr, c'est pour ça. Mais il y en a plus, si, les nomades de l'air. Alors justement, les nomades de l'air ont été un peu génocidisés par la nation du feu. Génocidisés. Il y a des mots. Je voulais dire génocide, ça y est, je saigne des oreilles. Il y a des mots qui existent, on va en faire des plus compliqués. Moi, alors la fille, elle n'est pas aveugle, en fait, elle souffre pas de cécité, elle souffre d'aveuglité, c'est ça? La bravitude. Ségolène sort de ce corps. Oui, donc ça donc enfin, Gandalf sort du sort de ses. Sort du corps de Ségolène. Peut-être. Peut-être. Oui, donc les nomades de l'air ont été exterminés par la nation du feu parce que justement, suivant le cycle, ça je vais revenir après. C'est l'avatar passe de cycle en cycle en fait de peuplade en peuplade. Ouais. Donc ils savaient que ce serait. Donc quand la guerre a été déclarée. C'était un avatar, on va dire, de type feu, Et le prochain était un avatar de type air. Donc, ni une ni deux, ils sont allés tataner tous les nomades de l'air pour avoir aucune résistance. Parce qu'une fois que l'avatar est mort, il est mort. Voilà, enfin, non, c'est un peu plus compliqué, compliqué en fait. Mais de ceux qui sachent, c'est l'avatar, en fait, il est détruit. Non, c'est l'avatar va sauter de cycle en cycle. Sauf s'il rentre dans état d'avatar, où là en fait il est connecté à toutes ses précédentes vies, à tous les cycles précédents. Et si on le tue à ce moment-là, la connexion avec l'avatar est coupée et il n'y a plus de régénération. Enfin, de cycle suivant en fait. Donc si on tue un avatar dans le mode d'avatar, et bah il n'y a plus d'avatar ensuite. Et ce gars-là, ça se tient. Voilà. Et du coup, le cinquième élément, Liu. Putain, j'ai même pas osé la faire. Je pensais même pas que t'allais le faire. Non, enchaîne. Donc, au sein de chaque peuple, on forme des hommes et des femmes qui sont appelés des maîtres, qui ont justement la capacité de manipuler l'élément d'origine. C'est le maître Pokémon, quoi. C'est ça. Donc, la tribu de l'eau va avoir des maîtres de l'eau, la tribu de la terre, des maîtres de la terre, etc. etc. Pour les jusqu'à la tribu de Dana. Voilà. Yeah. Bon, je sentais que ça allait bien là. Ensuite, il en fallait bien pour surtout qu'il y a une reprise par des jeunes de la tribu de Dana par Doyama hyper jeune. J'ai vu ça à la télé quand je l'ai allumé. Ouais, bon, ouais, c'est la tribu de Dana. Hein. Si c'est comme le concert de Rattray, tout le monde a fait la même reprise. On sait toujours pas quel groupe c'est. Hein. C'est pas Nirvana. Je sais toujours pas ce que c'est. Mais... Ah, on parle de Yannick Doc. Mais non, j'ai dit que lui c'est un has-been. Oh, pardon, je sais pas si les gens m'ont dit le message. Oui, parce que j'écoute Yannick Doc, on t'écoute. Donc, en cycle continu, une personne est capable de contrôler les quatre éléments. Elle est l'avatar, donc l'esprit de la planète incarné sous la forme d'un être humain. Je comprends pas, des fois quand tu parles, ça fait comme si t'étais écrit bien. C'est bizarre. Ouais, mais parce que c'est un copier-coller. En fait, tu sens quand est-ce que j'improvise et quand est-ce que je lis. Ah, pas du tout. Donc, quand l'avatar meurt, il se réincarne dans un nouveau-né, dans le peuple qui suit le sien dans l'ordre des saisons. Hiver pour eau, printemps pour terre, été pour feu et automne pour l'air. Si la légende prétend que l'avatar doit maîtriser les éléments dans l'ordre, en commençant donc avec son élément d'origine, celui-ci peut être peut-être changé, parce que j'arrive pas à lire, si la situation l'oblige. Alors c'est quoi ton mot? Dis-moi ton mot, le mot. Transigé. Transigé. Oui, c'est un copier-coller. Donc, l'apprentissage du contrôle de l'élément opposé à l'élément d'origine est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, ça va être... C'est des antagonismes. C'est ça. Et c'est des modes et des cultures complètement différentes. Par exemple, pour le cas de Hang, qui est un nomade de l'air. Donc il aura du mal avec la terre. Il aura du mal avec la terre, qui eux sont très sédentarisés et qui très proches de l'habitat et qui ont besoin de contrôler alors comment expliquer ça, leur environnement en fait. Et c'est quelque chose de très matériel. Très matériel. Alors que justement, on va voir après, les nomades de l'air sont très abstraits. Sont très abstraits. Et ils ont besoin aussi de se détacher énormément de toutes les choses. Et on va voir que, si vous regardez la série, que justement, Hang a des petits problèmes de séparation, on va dire, de ses envies. Ah, il est un peu matérialiste. C'est ça, surtout envers d'une personne. J'ai fait une faute. Coucou, cette faute est drôle. L'avatar possède un pouvoir intrinsèque unique qui est l'état d'avatar, donc comme j'ai dit précédemment, donc qui est un mécanisme surtout de défense. Il passe en mode berserk. C'est ça, donc là c'est en mode, c'est le même l'état d'avatar. Enfin, c'est en mode c'est de ça. Les yeux tout blancs. Les yeux tout blancs. Un mode génocidaire, pardon. Et pour les nomades de l'air, donc il faut savoir que les nomades de l'air, quand ils ont la maîtrise, on leur tatoue le corps sous forme avec une flèche en fait. Donc ils vont avoir une flèche sur le crâne et une flèche sur le long du bras avec le bout de la flèche. Comme les avions américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. C'est ça. Comme une pin-up, mais pas pareil. Non. Les flèches sur le corps, c'est que tu regarderas les corsaires, les James Bond corsaires de 1945, ils avaient ça, qui a ponté sur les porte-avions, ils avaient les flèches plantées vers l'avant, deux flèches blanches sous les ailes. Voilà, ça c'était le point culture. Voilà. Donc revenons au dossier un petit peu pourri. Non. Donc, mais c'est pas pourri. Quand c'est un avatar qui vient de la tribu de l'air, en plus d'avoir les yeux blancs qui s'illuminent, il a son tatouage qui s'illumine. Pourquoi tu fais une tête bizarre? Comme les Ishbaliens avec la pierre philosophale. Oui. Tu sens le... Ah oui, je sens le grand vide, là. Tu sens le metagame. Donc, comme dit précédemment... Le denier maître de l'air. On parle d'Avatar, le denier maître de l'air. Ça n'avait ronné. Il aime l'argent. Donc, voilà, quand il rentre dans cet état-là, il a une connexion avec tous les avatars précédents, tout ce qu'ils ont vécu, donc vraiment, ils peuvent, on va dire, discuter entre eux, avoir une discussion. C'est un peu le Quidditch à Derak de Dune. C'est le mec qui se retourne vers l'intérieur avec les Bene Gesserit et il peut voir toutes ses vies antérieures. Il a vu mon regard. Dune. Ton regard perdu. Dune. Alors Dune, je connais deux noms, mais aussi pointu, non, c'est on n'est ni Barberousse, ni... Non, c'est nous pas, parce que je connais ce point de... C'est nous les bouquins. Ce point de littérature, et c'est à ça que ça me fait penser, c'est communiquer avec ses vies antérieures et pouvoir discuter avec la multitude de vies qu'on a en soi. Tu sais, nous, les bouquins, sans dessin, hein. Ouais, puis alors toi, j'imagine bien le type de dessin, en plus. Alors, il faut noter que... Tu viendras pour le truc en taille. Il n'aura pas le choix, ce sera chez lui. Ah oui, c'est vrai. Ah ben voilà. L'histoire est réglée. Donc, en plus d'avoir ces quatre attributs élémentaires, il y a une partie qui est plutôt spirituelle, qui vient en plus, comme on va dire, le cinquième élément entre gros guillemets. L'amour, quoi. Un truc de merde. Voilà. Et c'est en fait l'avatar est l'unique personne qui peut passer du monde physique au monde des esprits. Le monde. Mmh. Il fait une projection astrale. Il se met comme ça en tailleur avec des signes bouddhistes. Projection astrale. Non, je crois que c'est comme ça, ou un triangle avec les doigts. Il fait des Illuminati. Ah, mais c'est Paris 2024. Ou comme ça. Non, c'est encore plus drôle. Que parce que je vois un ennemi d'Hidalgo. Là, qui fait le signe. Moi, ça me fait peur par contre. T'imagines un Hidalgo en tailleur qui fait ça? Mais s'en fout, ils ont pas de voiture. Faut pas se tromper de triangle, quoi, c'est ça. Ils ont pas de voiture chez eux, s'en foutent. C'est moche. Donc voilà. Donc, en plus, dans le monde spirituel, c'est là que séjournent les esprits des morts. Donc, une fois qu'ils ont quitté le monde matériel, ils viennent dans l'esprit et dans le monde spirituel. Ils continuent de vivre sans bouger. Ils ont plus ou moins aussi, selon des personnes, des aptitudes en plus dans ce monde spécifique. Donc voilà un petit peu pour le background, grosso modo, pour le résumé de Avatar, le dernier maître de l'air. Et donc ça, c'est en anime ? Ça, c'est de l'animation, ouais. L'animation de Nickelodeon. Très bien animé. Nickelodeon, déjà, rien que le... Ouais. Ça fait peur. L'univers est bien construit. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que tu as parlé quand même des différentes factions. Mmh. À chaque fois, je suppose qu'ils découvrent une faction et qu'ils approfondissent bien le truc. Ou alors, c'est vraiment la quête initiatique qui prend le pas principal. Là, en fait, toute la trame de l'histoire, c'est arrêter la guerre... Et contrer le seigneur Sochi qui est l'empereur de la nation du feu qui a déclaré la guerre. Enfin, son grand-père a déclaré la guerre et c'est lui qui est tenu. Et en fait, tout le long des trois saisons, parce qu'il maîtrise déjà l'air. La première saison, c'est l'eau, ensuite la terre, et ensuite le feu pour aller tataner. Ouais. C'est hyper bien construit. Il faut savoir que la série, il y a eu d'abord une première saison. Qu'ils ont fait et ensuite ils ont enchaîné jusqu'à la troisième saison en mode de production classique en terminant à la troisième, mais au départ il n'y avait qu'une seule saison, et en regardant l'intégrale tu te rends compte que la première saison installe déjà des éléments pour la deuxième et la troisième saison, donc déjà ils avaient un plan. Ah oui, mais c'est vrai, c'est... Et, peut-être pas tout se tient, mais t'as quand même une continuité, un truc, c'est logique. On découvre un truc dans la première saison, il va y avoir des répercussions sur la deuxième et sur la troisième. Mais ouais, c'est hyper bien fait. Et après, je vais revenir sur les influences. Donc ce sont des influences très... Il y a beaucoup de références asiatiques. Donc aussi bien en termes de mythes que des arts martiaux utilisés. Chaque peuple utilise des types Donc c'est plus expressif chez les feux. Le feu, ça va être un mélange vraiment combat capoeira, mais vraiment bien expressif. Alors que l'eau, ça va être plus dans les mouvements lents, dans le tai chi. C'est vraiment des trucs lents qui accompagnent bien le mouvement. Alors que le feu, c'est un petit peu plus nerveux. Et la terre, ouais, tu vois, c'est très. Et la terre, quand tu regardes le dessin animé, c'est très. Pas mécanique. Si, c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce que tu vois, je suis en train de regarder les images. et je vois tous les éléments et je... sur le mouvement de la Terre, je me suis dit, oui, c'est hyper rigide, c'est hyper mécanique. C'est... Ouais. Ils font souvent des mouvements comme ça de bras ouais. Qui rapprochent vers le corps et qui tombent. Ou qui... Ouais, un peu comme le Kung Fu. C'est ça. Ouais, c'est ça, plus, ouais. Donc t'as vraiment une... chaque... En plus, chaque élément est vraiment très, très orienté et graphiquement, ouais, c'est hyper beau, quoi. Enfin, en fait, je connais. Ouais. Enfin, je connais. Je l'ai vu, mais je me suis jamais penché dessus. Mais c'est le coup de la flèche qui m'a fait tilter tout à l'heure. Ouais. C'est beau, c'est hyper beau. Et pour revenir sur un point de détail sur le dessin en lui-même, les décors sont monstrueux. C'est du 4 tiers, c'est de 2005. Ouais. Mais les décors sont monstrueux. Ah oui, non, mais sur la légende de Korra, c'est en 16/9. Mais ça a été fait à la suite ou ça a été fait beaucoup plus tard? Non, ça a été fait un peu plus tard. 3-4 ans, je crois. Un peu plus, il me semble. Parce que là, j'ai plus les dates de... Pourquoi? Mais sur Korra, tu regardes la qualité d'image. C'est des peintures. Les fronts d'écran, enfin le décor, même sur Angle, ce sont des peintures. Ouais. Et tu peux rester 5 minutes en faisant pause et là, tu regardes. C'est hyper beau. Et dans Legend of Korra, il y a une petite partie qui remonte aux origines du premier Avatar. Qui est là dans le style estampe japonais. Mais graphiquement, tu pleures en fait. Ça fait plaisir, c'est super beau. C'est hyper bien animé. Ouais. Et tu pleures tellement c'est beau. Donc on va revenir sur les différentes références. C'est homologué. Alors qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé sur un truc de cul, il y a toujours des trucs. Justement, tu sais. Oui. Qui c'est qui a dit quoi? Oh bah il y avait une espèce d'image avec Katara et Toph qui étaient à poil l'une sur l'autre. Ah. Donc... Règle combien déjà c'est 30... Tu noteras, c'est règle 34. C'est la seule image de toute la série sur laquelle j'ai cliqué quand même. Ah donc Revan dit qu'elle a bien aimé le film. Ah c'est ça? Ah non mais ce film a divisé. Mais très clairement, je l'ai pas regardé moi. Disons que le moi, problème du film. J'ai entendu beaucoup de bien, mais ah mais moi j'ai entendu des gens qui adoraient. Le film c'est en fait si tu mets certains aspects. Oui, il est bien, comme l'adaptation de l'épouvanteur en le film qui est le septième fils. Ah, oui, mais quand tu connais l'histoire originelle, tu fais non, là c'est les personnes vont à l'encontre, ou là c'est du. Ils ont remplacé en fait. Tu parlerais pas de. Non, pas ça. Non, c'est très audio ça. Voilà. Même avec l'image, j'ai pas compris ce que c'était. Non, moi j'ai juste cru qu'il faisait une crise épileptique. Hashtag la note qui tue. Ouais. Le problème du film d'Avatar, c'est le whitewashing. Donc Katara et Sokka sont des Tipei Inuits. Ouais, en fait, ils viennent de la Toka du pôle sud, donc ils sont plus Inuits dans le dessin animé. Et dans le film, c'est des Américains. Ils sont pas noirs, mais ils sont mat de peau. America, j'ai vu des personnes qui sont des figurants du village qui faisaient plus Inuit que eux. Eux, ils ont peut-être un petit peu un petit typage Inuit ou asiatique ou ce type-là. J'aurais cherché des gars au fond de la sky, donc bon, ils sont plus blancs les deux. dans le film, oui, je parle du film. Non, parce que dans l'anime, ils sont mat. Dans l'anime, oui, ils sont mat, oui. Mais non, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt entendu des critiques sur ce film. Pas similaire à Dragon Ball Evolution, quoi. Oula, ah oui, on est quand même loin, quand même. Ah, c'est sévère. Je sais pas, mais... Dragon Ball Evolution, il y a tout, il y a de tout. C'est mal filmé, il y a tout. Bah, je l'aime bien. De quoi, tu parles de... J'aime bien. T'es en train de comparer le graphisme? Dragon Ball Evolution. Non, le film Dragon Ball Evolution et le film Avatar. Ah, j'ai pas... Personnellement, je n'ai pas vu le film Avatar The Last Airbender et je n'ai pas vu le film Dragon Ball Evolution. Donc je ni l'un ni l'autre comme ça. Au moins, ça aurait été réglé. Donc, je peux manger comme ça. Oui. Donc, Avatar aussi, c'est des mélanges de philosophies chinoise, japonaise, mongole, coréenne, indienne et tibétaine. De religions, de langues et de vêtements, d'arts martiaux et de cultures asiatiques. Donc, ça, au niveau, c'est ce que je disais, chaque tribu. On va dire son thème de prédilection et aussi bien son art martiaux et sa philosophie de vie. C'est un peu un vœu pieux ça, parce que quand tu vois ce qu'ils se mettent tous sur la gueule les uns les autres, vouloir tous les réunir dans une seule série. Oui. Mais c'est bien essayé, c'est bien. Voilà, ils ont pris par exemple, donc il y a aussi dans les influences, donc il y a pareil sur l'histoire chinoise, sur l'art chinois, l'anime japonais, l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme et le yoga. Là, il y a beaucoup d'images, ça me fait vraiment penser à du moine Shaolin. Hein. Oui, bah, justement, la majorité de ce que je vois. Les nomades de l'air sont très typés moines Shaolin, justement, ouais. De ce côté-là. Ouais. Donc, au niveau des termes, donc, le terme avatar vient du mot sanskrit avatara, donc je prononce forcément mal, qui veut dire, qui signifie descente. Donc, dans la mythologie hindoue, souvent les dieux se manifestent sous la forme d'avatar pour établir l'équilibre sur Terre après une période néfaste. Les caractères chinois apparaissant au-dessus du mot avatar dans le générique du dessin animé signifient l'intercesseur divin qui a descendu dans le monde des mortels. Putain, tout ça en quatre signes. Voilà, c'est fort. Hein. Donc, au niveau de l'histoire, Aang, il a appris. En fait, normalement, on désigne l'avatar à partir de 16 ans. Enfin, on l'informe que c'est l'avatar à partir de 16 ans, mais Aang l'a appris à l'âge de 12 ans et a fui en fait les nomades parce que c'est un gamin de 12 ans quoi. C'est le gars. La première chose qu'il dit une fois qu'il sort de l'iceberg congelé par Katara, c'est. Allez, où c'est Lynn ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est on fait une déluge sur des pingouins esquimaux. Quoi ? On fait de la luge sur des pingouins parce que là-bas ils ont des pingouins. Et ils font de la luge dessus. Et le premier truc qui sort... Oh putain, dis pas ça, Walter, ça. Il va être fou. Ils font de la luge sur les pingouins. Touchez pas à Robert. Donc, on a aussi... donc là, c'est pas dit dans la série, mais ça a été dit après. Parce que ça a été décliné aussi en bouquin, en roman et en comics. Mmh. Il y a eu plein d'univers, en fait. Ça a été entendu et étendu. Donc, lorsque Aang était qu'un enfant, il a appris qu'il était l'avatar lorsqu'on lui a demandé de choisir 4 jouets parmi des milliers. Ces 4 jouets étaient les mêmes que les anciens avatars choisis des générations durant lorsqu'ils étaient enfants, montrant ainsi que Aang était la réincarnation de l'avatar. La réincarnation. Donc, Wikipédia, une heure d'émission, c'est bon. Je cite Wikipédia. Donc, il existe un test similaire qu'un enfant doit réussir pour être reconnu en tant que réincarnation du Tulku Lama. Et pas Serge. Dans le bouddhisme tibétain. Selon le livre Mystique et magicien du Tibet d'Alexandre David Nel, un certain nombre d'objets tels que les roseraies, les instruments rituels, les livres et les tasses à thé sont tassés ensemble et l'enfant doit choisir ceux qui ont appartenu au dernier Tulku, montrant ainsi qu'il est à réincarnation, etc. Donc c'est vraiment un test pour décliner, pour voir vraiment. Ouais. Bah, voilà. Il utilise ça donc. Il est utilisé dans ses autres vies, donc c'est la réincarnation de machin. Ah oui. C'est-à-dire que ma réincarnation utilisera des cavaliers express. Ou des gants de toilette. Ou des Kleenex. Voilà. Bah ouais, putain, il risque pas. Le porc, il est mal barré quand même. Ou elle est mal barrée, on sait pas. Hein. Tu es allergique au pollen. Tu t'amuses avec des Kleenex. Donc, l'avatar. Il y a Revan qui dit s'il n'y a pas un petit tentacule qui traîne. Alors, je te dirais bien qu'il y a Gandalf qui est en train de louvoyer, mais ce serait pas sérieux. Est-ce que le buffle à 6 pattes, ça compte ? Ah, c'est pas mal ça. Après, en termes d'animaux aquatiques, on n'en voit pas souvent. On voit un gros lézard à un moment, qui est plus une sorte de gros anguille, serpent, dragon. Mais il peut y avoir des grosses tentacules aussi si Revan le veut. franchement, sorti du contexte, ça fait vraiment proposition indécente. Mais bon. Des fois, la tentacule. Voilà, c'est ça. Donc, l'avatar s'appuie sur les 4 éléments classiques les plus connus. X-Japan. X-Japan. Voilà. donc, qui sont les plus connus, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, bien que chacun ait son propre variation, presque tous les philosophie antique les incorpore dans certaines manières. Dans le générique, si vous essayez de vous remémorer juste les l'eau et le feu. Donc on voit à chaque fois un maître faire des mouvements et sortir une flamme, un eau. Revan aime les trucs bien visqueux. Et derrière, dans le fond, il y a un symbole chinois. D'anciens chinois même. Un idéogramme, Un idéogramme, oui. C'est ça. Qui, en fait, permet de donner une information en plus. Donc, l'eau est associée avec le symbole chinois qui est en pinyin qui se dit shan. Donc, ça, c'est très radiophonique. Qui veut dire bienveillant ou adaptatif. Donc, l'hydrokinésie offre la maîtrise de l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse. Les maîtres de l'eau ayant un niveau élevé pourront, à leur volonté, en combat, changer l'eau, changer d'état l'eau en fait, passer du liquide au solide, faire un brouillard. Il faut du glace neuf quoi. C'est ça, ils font un coup de glace, un coup c'est de la brume, un coup tu c'est de l'apéro. Tu les invites à l'apéro pour les glaçons quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon ça. C'est Captain Blizzard d'un Aérocorp. C'est ça. Lorsqu'il le maîtrise entièrement en fait, son pouvoir, il peut même en fait récupérer l'eau de tout ce qui est végétaux. Donc vraiment, il draine en fait. Ah, il fait un genre de Genki-Dama. C'est ça, il récupère, mais il. Comme dans Dragon Ball Z. Donnez-moi votre énergie. C'est là, sauf que là, c'est l'eau. Ouais. Il récupère l'eau directement. Hein. T'imagines, on pourrait faire pareil avec le Ricard. C'est ça. Ça serait bien en fait. Ça, c'est... Pour les auditeurs, non. Ouais. Oh, sûr. N'importe quoi. En plus de ça, chaque type est allié à, en fait, à un élément. Mm-hmm. Donc, les maîtrises de l'eau en fait vont avoir leur pouvoir renforcé grâce au pouvoir de la lune. Donc, dès qu'il y a une pleine lune, faut pas venir les attaquer parce que. Ouais, faut pas les faire chier, c'est comme les garous. C'est les rois de la tatane. Non, oui, l'éclipse, ça. Justement, bah, ça a une influence. L'éclipse de lune, ils perdent leur pouvoir. Oui. Ah, mais c'est pas grave, puisque ça cache ça, la lune. Non, mais tu suis pas. J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais je sais qu'il y a une histoire d'éclipse. Ouais, c'est ça. À la fin de la saison 1, où Aang apprend l'eau, et donc à la fin du film, il y a une éclipse de lune. Où là, le peuple de l'eau perd temporairement leur pouvoir. Forcément. Ah oui, c'est vrai, ça sert. Donc ça se passe sur Terre. Pourquoi ils choisissent ce moment du coup pour attaquer ? Parce que c'est là où ils mettent l'assaut final, non ? Pas oui, c'est l'assaut final. Justement, le peuple du feu va attaquer le peuple de l'eau pendant l'éclipse. Pour avoir la maîtrise. Oui. Et en plus, il y a une référence où la fille du roi de la peuplade de l'eau où ils sont. Un lien direct avec la lune. Ouais, elle est affaiblie. Non, en fait, c'est à la naissance, elle avait un problème de naissance et elle allait mourir. En fait, les parents ont prié la lune de lui donner la vie et la lune a donné une partie d'elle dans la fille pour qu'elle vive. Ah, c'est un gauchin. En fait. Ils ont été demandés à la lune. Je t'ai tellement aimé que je t'aimerai tout. Non, mais je vous ai dit, Brigade des Vannes Pourries n'est pas là, donc on peut en profiter. Donc voilà, donc il y a aussi une histoire de si tu. La fille, il tue la lune. Il tue la lune, et du coup l'eau, ils font disparaître le peuple. Voilà, c'est ça, le peuple de l'eau. Ça se tient, ça se tient. Disparaît. Enfin, c'est un peu capillotracté, mais ça se tient. Ouais. Donc ensuite, on va voir la terre qui est associée au symbole qui veut dire. Qui se prononce Kyang, je le prononce forcément mal, qui veut dire fort. La géokinésie offre le contrôle de l'élément de la terre. La terre est l'élément malléable, comme de la pâte à modeler. Et seule la limite de l'imagination du maître de l'air. Du maître de la terre peut le faire, donc il peut créer des séismes, créer des abîmes, des blocs, des formes, voilà. Il peut en fait, il prend un bout de terre, il en fait vraiment ce qu'il en veut. Ouais, il peut jouer à Minecraft, quoi. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Je ferai un rapport au CSA sur ces vannes. Non, mais tu peux même me nommer, hein. je prends tout pour moi. Pas de soucis. L'élément, on va dire, primordial pour le peuple de la Terre, c'est vraiment les pôles, où les pouvoirs sont renforcés. Les pôles magnétiques, là, ils vont avoir un peu plus de force. Ensuite, on va passer au feu qui est associé au symbole Yé, qui veut dire intense ou féroce. La pyrokinésie offre la maîtrise du feu. Bien sûr, toutes ces techniques ne peuvent se réaliser que lorsque le soleil est en disposition d'apparaître. Donc dès que le soleil est là, ils peuvent utiliser. Puis alors quand feu. Il est au zénith, c'est ça. C'est barbecue pour tout le monde. Et c'est renforcé dès qu'il y a une comète. Justement, la guerre il y a 100 ans a été déclarée par l'empereur de la nation du feu avec une comète qui s'appelle la comète de Soin. Je sais plus. J'ai plus le nom, ça je peux pas te dire. Et elle revient en fait à la fin, tous les 100 ans à peu près. Donc à fin du niveau 3, ça veut dire que tous les 100 ans, t'es sûr que t'as une guerre. Bah non, pas forcément. Tous les 100 ans, c'est la bagarre. Tous les 100 ans, la comète passe. Arrête le Cody Cordor, toi. Ils disaient ça, je sais même pas. Ils ont fait un épisode sur la bagarre. Moguri qui fait tout un épisode sur la différence entre la bagarre et la bagarre. Je te jure, mais c'est insultant. Mais j'écouterai alors. Et non. Comme pour le peuple de l'eau, s'il y a une éclipse de soleil, ils ils ont plus de pouvoir. Mais par contre, dès qu'il y a une comète, un volcan qui rentre en éruption, là ils sont. C'est-à-dire qu'au piton de la fournaise, les gars, ils sont chauds. Ah, ça joue sur les éléments, c'est cool. C'est ça. L'air donc est associé au symbole chinois He, qui veut dire paisible ou harmonieux. Donc l'aérokinésie est la maîtrise de l'air des molécules en suspension. Alors que l'aérophagie. La maîtrise de son cul. C'est ça. Et d'ailleurs, dans Legend of Korra, je sais pas si vous l'avez vu, il y a le petit. Mytho. Non, c'est pas Mytho. J'ai vu qu'un épisode. C'est un petit garçon qui doit avoir 6-7 ans, qui a l'humour d'un garçon de 6-7 ans qui lâche des pets. Sauf que c'est un maître de l'air, donc il lâche des pets puissants, quoi. Vénère. Le seul truc que je sais de Legend of Korra, c'est qu'il y a un jeu de Platinum Game. Forcément. Platinum Game. Donc, le maître de l'air va pouvoir. Créer des bulles d'air, des fouets, des ballons, vraiment tout ce qu'il veut en fait, des tornades, des bulles de protection, des bulles d'air quand il est dans l'eau entourant le visage, etc. Il maîtrise complètement. C'est pratique ça pour la pêche. C'est ça. Donc, quand les symboles sont lus de droite à gauche de la manière dont les caractères chinois étaient autrefois lus, ils forment presque les phrases l'eau bienveillante, la terre forte, le feu intense et l'air harmonieux. Donc, même au niveau juste du générique, tu sens qu'ils sont allés rechercher des informations. Ils sont allés loin. C'est ça. Alors, en plus de ces aptitudes, on va dire, de base, il y a certaines aptitudes qui sont dites supérieures. Par exemple, l'eau, les maîtres de l'eau, sous certaines conditions et quand ils maîtrisent vraiment à fond, peuvent maîtriser le sang. Donc là, ils ont pouvoir sur les humains, les animaux. Ah, parce que c'est un fluide. C'est un fluide, ouais. Tu vois, ils sont allés. Et... On part de l'eau et ils peuvent. Ouais, ça va un peu loin, peut-être. Ouais, parce que. Le sang, c'est pas que de l'eau, c'est bon. Non, enfin, bref. Voilà, ok, après... mais bon, admettons, c'est un principe. C'est un power-up, ouais, voilà, okay. Et c'est une évolution du truc. Level up. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va voir la terre, qui la maîtrise, on va dire, le niveau supérieur, c'est la maîtrise du métal. Dans un épisode, justement, Toph apprend comment maîtriser le métal parce qu'elle est enfermée dans une cage en métal. Dans des cages en métal. Donc je vous rappelle pas comment elle fait pour. Merde, putain, quelqu'un en rechaîne sur ce qu'il dit. Alors, on est mal, et en plus, ils sont côte à côte. Après, j'ai pas la ref. J'ai même pas la ref. Depuis tout à l'heure, il me tisse avec ses cages en métal, j'ai craqué. C'est quoi ça s'appelle? Stupéflip, voilà. Stupéflip, c'est stupéfiant. Donc voilà, donc elle est enfermée dans une cage, elle apprend à maîtriser. Je vous laisserai regarder la série et découvrir comment elle fait. Stupéflip, Révan à la ref. Oui, mais je crois qu'elle l'avait déjà sorti en plus. Ah ouais? Si je dis pas de conneries, mais j'ai vu passer une référence à Stupéflip. Ah bah Stupéflip. Il y a pas très longtemps. Il y a une demi-heure. Sur Twitter, ouais, elle a mis un truc de Stupéflip. Il y a une demi-heure, c'était loin. L'antidote, tu vois, il y a une demi-heure. C'est pour quand ça que je te dis qu'ils vont retirer depuis un moment. Ensuite, au niveau de la terre, il y a certains peuples qui sont dans les déserts qui vont apprendre à maîtriser en fait le sable. Ben oui. Ils vont créer des mini tornades de sable pour faire en fait avancer leur bateau de sable dessus pour se déplacer. Et ensuite, en autre power up au niveau de la terre, il y a la recharge de gnoll en cours. Je voulais pas le couper, putain. L'ossage est venu au longo. C'est chiant. Il y a certaines personnes qui maîtrisent la terre peuvent aussi maîtriser la lave. Donc à partir de la terre. Ouais, mais la lave c'est. C'est de la roche en fusion. C'est de la terre une fois que. C'est de la roche en fusion la lave. Mais sinon c'est du feu. Oui, mais c'est de la roche en fusion. Donc comment ça va faire chier si vous jouez sur les mots là, il y a pas débat, on va s'engrainer, ça va pas être sympa. Et on va s'engrainer. Ça cherche la bugière. Donc ensuite, concernant le feu, l'aptitude supérieure, ça va être la génération de foudre. Ah oui, c'est vrai. Ils concentrent tellement leur énergie de feu. Il y en a une qui est spécialisée là-dedans. Donc dans la première saison, c'est Azula, qui en espagnol veut dire azul, veut dire bleu. Et les éclairs sont bleus dans le dessin animé. Donc on voit. Non, c'est vrai. Oui, non, je sais que c'est vrai, mais honnêtement, de là à faire le rapport entre Azula et Bleu et Claire. Ah non, mais ce dessin animé va très loin. Elle maîtrise. Ils ont le fumé de la bonne. C'est assez impressionnant. Voilà, donc ils peuvent lancer des éclairs de feu. Et en plus, il va y avoir certaines personnes qui vont maîtriser la combustion Donc en fait, ils concentrent tellement leur pouvoir de pyrokinésie qu'ils vont lancer un rayon destructeur. Est-ce qu'ils connaissent la combustion spontanée? Donc là, c'est... Ça fait très mal d'un Divinity 2. Il va jamais finir sa chronique. Et ça fait déjà une heure et quart. De toute façon, bon, je te dis, on est là jusqu'à 9h. Et mon quiz, t'es gentil, je crois, t'es gentil, je pense. Mon quiz, il dure 1000 ans derrière. Non, mais j'ai fini. Là, on passe sur l'air, et ensuite, j'ai fini. Donc, au niveau de l'air, donc, ça va... plus ou moins spoiler le film Legend of Korra, ouais. Où il y a une évolution en fait de la maîtrise de l'air, ouais. Qui apparaît dans le livre 2, qui a un rapport avec le fait de se détacher des éléments, de lâcher prise. Voilà, je, comme ça je spoil pas une révélation qui sera faite. Mais du coup là j'ai pas bien compris en fait. Bah, du lâcher prise pour l'air. Ouais. C'est, il faut qu'il se détache. T'es détendu des choses. Tu détends des sphincters. Pète un coup. Voilà, faut pour démembrer quelqu'un. Ouais, démembrer pour s'élever à un niveau supérieur. Je crois que je l'avais. Je sais pas, j'ai pas vu une genre. Ouais. Il est pas sur Netflix. De quoi? Avatar. Netto. Et le pouvoir de la bière, hein. Oui, on en parle. Il parle de Naruto, mais... Le pouvoir de l'eau de vie, oui, on est soigné. De quoi on parle de bière? Donc... Revan qui dit le pouvoir de la bière, on en parle. Ensuite, les... On les en parlera en tête à tête, si tu veux. Les... Et on voit ce qu'ont fait leur dossier et ce qu'ont pas fait leur dossier. Je sens le 10.3, Toshu va encore faire des propositions indécentes à Revan. Mais non. Pourquoi encore? Ah bah parce que tout s'est très bien passé après. 10.3, tu lui parlais de Cuny. Mais je peux encore parler de Cuny. Et au 10.1, je peux même encore parler de Cuny, c'est pas un souci. Ah bah c'est pas un problème non plus. Ah bah a priori, elle est pas d'accord. Non. De quoi, qu'on en parle ou... Que ça se passe. Donc ensuite, enchaîne. Pas moi. Chaque maîtrise originaire, en fait, les premiers maîtres ont été. C'est initiés. Les plus durs. C'est toujours les plus durs. Et j'ai pas. Ouais, mais toi, tu sais de quoi tu parles en plus. Toi, ça se transforme c'est en kilomètres. C'est les premiers millimètres les plus durs, parce qu'après le dossier lui, de l'infini. Ça se transforme en kilomètres. Oui. Donc, les premiers maîtres ont été inspirés soit par la nature, soit par un animal. Donc, les maîtres originaires de l'eau ont été inspirés par la lune et l'océan, par leur mouvement. Le dauphin, nom de Dieu. Ça, c'est pour ça que les maîtres de l'eau vont avoir des mouvements souvent fluides. Avec les bras comme ça, donc tu vas faire peur. Ah, on dirait les gestes sataniques dans. Donc ils font des danses hawaïennes. Viens de voir Agalas Winda. Ah, quand il fait ça là. La suite d'Avatar, ah merde, putain. Moi j'avais imaginé une autre suite, mais. Ouais. Les maîtres de la Terre donc, ont été inspirés par des taupes blaireaux géantes. Oui, c'est, tu te rappelles, en fait, les animaux, ils ont des deux, ils sont aveugles et ils contrôlent, voilà, ils vont plus, les taupes, quand ils se déplacent, elles se déplacent comme ça, en fait. Mais, oui, comme ça, très bien. Très faisant la brasse, ouais, mais sous terre. La brasse, ils font le crawl comme ça, sur le... Le papillon. La nage indienne. Ouais. Donc c'est pour ça que je tu fais super bien le papillon. Merci. Les maîtres du feu, donc, par le soleil et les dragons, et les maîtres de l'air par les bisons. Ouais, admettons. Voilà. Oui, d'ailleurs, les bisons. Je suis pas fan, mais. Logique, hein. Ah non, parce que là-bas, les bisons volent. Ah, ouais. Les bisons volent, ok. Et les fourmis micro-ondes. Les bisons volent. Il est où le dingue? Il est où le dingue? Non, mais je te jure, les en bisons fait, volent. En fait, c'est une session, on arrête là. Ah non, parce qu'après, il y a deux trucs. Donc. Voilà pour l'introduction, vraiment l'aspect. Ah, non, mais je veux dire. Je vais pas vous raconter en fait Avatar, le dernier maître de l'air, ce qui se passe dans les épisodes. Ah, je vous raconte juste l'univers. Et qu'est-ce qu'on a passé finalement de tout ça? Bah, c'était cool. Moi, honnêtement, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où est-ce que je peux le trouver. C'est du Nickelodeon, du coup, je sais pas si non, tu j'ai pas Nickelodeon. Je vais te donner un lien. Et puis on dirait qu'on a rien vu. Avatar Realms, donc R-E-A-L-M-S. Sinon, France 4. Hein. Et ouais, mais c'est fini, du replay. Donc ça dépend quand est-ce que c'est diffusé. Mais c'est régulièrement diffusé sur France 4. Mais c'est okay. Le site francophone et même peut-être européen sur le monde d'Avatar. D'accord. Aussi bien ah oui, okay, d'accord, de l'air, très bien. que. Bah, tu vois, je vais le ranger à côté de manga streaming, manga en streaming, ouais. Et Akama et Pika. Ouais. Et dedans, en fait, tu vas avoir aussi bien l'accès aux vidéos. D'accord. Que tout, en fait, tous les contenus. Légal. Bah écoute, jusque-là, ça n'a pas l'air bloqué là. Non, c'est pas bloqué, mais ils ont. C'est pas légal. Ouais, ils si ont c'est pas bloqué, licence. C'est légal. Hein. C'est... Tant qu'il y a gazon, il y a match. Si y a ah non, t'avais dit que la dernière fois, il y avait des problèmes. T'avais dit que t'étais pas d'accord. Hein. Non, non, la dernière fois, j'ai dit que mon pote était pas d'accord quand je disais ça. C'est pas pareil. Moi, s'il y a gazon, il y a match. Ah, visiblement, quelqu'un veut le lien. C'est Revan. Revan, oui. Ouais, hop. She wants the link. Moi, j'avais une petite question. She wants the link. Mettez un baillon à rouler avec Toshu. Alors, je m'inscris en faux. Revan. Avatar, c'est une création originale de Nickelodeon. Ah oui. Alors, c'est une création de Michael Dante Di Martino et de Brian Konietzko. Et est-ce que... Outre le film, est-ce que tu sais si... Après, il y a eu une adaptation bouquin, BD, manga, quelque chose. Alors, il n'y a pas une adaptation, mais justement, j'allais arriver à la partie les suites. D'accord. Donc, en termes de série de dessins animés, donc il y a eu la suite qui s'appelle Legend of Korra, mm-hmm. qui revient 70 ans après la fin de la saison 3 de Aang, mm-hmm. et qui parle donc sur un nouvel avatar, une nouvelle série, de nouveaux protagonistes, et un nouvel élément. C'est en fait à la fin. C'est difficile en fait de dire des éléments de Legend of Korra sans justement spoiler. Ouais, parce que c'est quand même une suite directe. Hein. Tout c'est une suite directe parce que voilà, c'est le 70 ans après, donc il y a forcément eu des conséquences à la fin. Mais en gros, il y a une nouvelle c'est ville. Sérieux. Oui, il y a une nouvelle ville qui est censée rapprocher et rapprocher les peuples au lieu d'avoir chacun sa tribu et sa ville et son territoire. Il y a un endroit où tout le monde est libre, aussi bien, on va dire, les maîtres. Il y a une zone franche. C'est ça, aussi bien les maîtres que les non... Les DMZ. Les non-maîtres. C'est le DMZ. C'est la zone démilitarisée. Oh bien, tu peux me la refaire, celle-là. La zone démilitarisée. Ouais, d'accord, ok. Je suis pas dit un Z, hein. Tu connais tes limettes. Donc... je connais les bails, je connais les limites. David, ah, oui, David, bisous. Donc, les j'y étais pas, mais j'en ai entendu parler. Legend of Korra s'articule de la même façon que Avatar, donc il y a 3 saisons, mais là, en fait, le twist, c'est que dès qu'elle est petite, elle maîtrise déjà les 4 éléments. Donc c'est pour ça, là, le Legend of Korra va avoir une autre approche. Aang, c'était plus pour les amourettes début d'adolescents, donc 12, 15 ans, je crois, maximum, alors que Legend of Korra, ça va être vraiment la puberté... 15, 16, 17 ans. Donc, plus le triangle amoureux, du sentimental. Et au niveau des livres, donc, ouais, pas de premier. Avec un bon moment de quoi? Rien. Ah, le mec casse une pas en plus. Il va utiliser la puissance de la Terre, alors, t'inquiète pas qu'elle va finir de figure-toi, travail. Ça sera l'audiogramme. Rien que pour toi. Et si c'est dit, ça sera pas coupé. Voilà, si c'est dit, c'est pas coupé et ça sera ça. Donc, il y a eu 3 livres. Donc, Esprit, qui se concentre plus sur le monde spirituel, Changement et Équilibre. Équilibre. Donc, ça, c'est. Donc, des romans ? Non, non, c'est les 3 saisons de Legend of Korra. Ah, d'accord, pardon. Ouais. Ensuite, il y a eu des suites adaptations aussi bien pour Avatar que pour Legend of Korra qui sont en comics, qui ont été publiées en comics, comme il y a une quête à un moment par rapport à la mère d'un des personnages d'Avatar qui a été plutôt déclinée en comics. Ouais, donc on va voir, il y a vraiment une succession en fait. Tu fais la série animée, tu lis les comics, tu lis Legend of Korra et tu lis les comics. Qui sont disponibles bien sûr en VO et VF sur Avatar Realms, sachant qu'il y a le premier comics de Legend of Korra, qui à la suite, ça se passe, je crois, deux ou trois heures plus tard. Enfin, à la suite. Deux ou trois heures plus tard. De la fin en fait, t'as la fin de la série et t'as le comics qui reprend en fait tout de suite après. D'accord. Donc ça se suit et. Ouais, ils ont de la suite dans les idées, c'est pas mal. Ouais. Donc les comics ne sont jamais sortis officiellement en France. Non. D'accord. Donc c'est pour ça il y a que Avatar, Rims et autres scans qui proposent. Que du scantrad. C'est ouais. Que du scantrad. Si, du cheat, c'est que du... Attends, c'est que du scantrad. Donc scanné, traduit. Ouais. Ok. Et donc Avatar, Rims en fait c'est une très très grosse communauté. Rims. C'est un peu, j'ai envie de dire, grâce à eux qu'on a eu Legend of Korra en France. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, ouais, c'est ça. Ils ont eu, ils étaient en lien parce qu'ils ont fait plusieurs soirées découvertes quand il y a eu la fin de la saison, la saison 3 de d'Avatar, où c'est en fait t'as 4 épisodes qui ont été diffusés donc sur Nickelodeon et donc les 4 éléments donc qui est le pseudo de du mec qui gère ce site-là qui est sur Twitter, qui proposait à chaque fois des soirées comme ça où on regardait en VO du coup. Les épisodes mais en live quoi, comme si qu'on était, il proposait des soirées comme ça et c'est bien ça. Il en a fait plein et maintenant il est sur Steven Universe. Ouais. Bah, c'est très très bien. Oui. Et voilà, il a monté donc normalement si tu vas sur le site Avatar Rims, tout en bas t'as un lien vers le site Steven Universe, qui est Steven Universe Rims ou Steven Rims, un truc comme ça. Et donc, ils ont monté un projet de doublage de Legend of Korra. Donc, ils ont voulu... C'était une petite asso, on va dire, un regroupement d'amis, vraiment de fans. Ils voulaient tellement pousser le bouchon hyper loin, Maurice, qu'ils ont décidé de... un truc improbable qui sort, je sais pas pourquoi. Joli bruit de bouchon. Donc, voilà, ils ont voulu proposer et faire professionnellement avec leurs moyens. Donc, ils ont eu des campagnes de promotion dessus où ils ont fait des tests pour justement essayer de que ça soit eux qui fassent le doublage de cette série-là. Ils ont même un Tipeee. Hein. Oui. Donc, ils sont pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus, bah, je ne sais plus. Est-ce que mon dossier vous a donné envie de regarder en tout cas? Oui, vous avez envie de regarder. Moi, pour l'univers, elle est assez intéressante. Ouais, déjà rien que ça, et, ouais. Ouais. Bon, comme j'ai jamais vu de bout en bout, mais j'ai déjà vu quelques épisodes. J'ai dû voir une dizaine, grand max une dizaine d'épisodes. Mais quand j'ai vu les images, moi, ça me rappelait quelque chose. Je saurais pas te dire où est-ce que j'ai vu. Deux épisodes de Korra également passés sur France 4 pendant mes congés. Oui, parce que là, du coup, l'adaptation de France 4 a été faite là. Enfin, ça a été diffusé. C'était au mois de juillet. Apparemment, juillet, oui, il parlait de ça, sur Avatar Rims, et il parlait de juillet. Du coup, ce que je voulais rajouter par rapport à Avatar Rims, c'est qu'ils produisent par contre un documentaire sur le monde d'Avatar. Donc vraiment en expliquant, parce que moi j'ai fait une copie de la page Wikipédia parce que je pensais aller sur le site pour avoir tous ces détails, mais avant ils avaient une partie forum qui contenait ces informations là qui a été fermée pour des raisons d'infrastructure et de gestion de serveur, donc du coup je me suis rabattu sur un copier-coller de Wikipédia pour avoir les infos. Espèce d'enculeur. Il y a même des artbooks. Oui, mais ils ont tout, ils ont de la musique. En fait, tu veux savoir un truc sur le monde d'Avatar en France, tu vas sur leur site et si tu trouves pas, tu contactes donc les 4 éléments sur Twitter. Donc c'est @les4éléments, je crois. Ouais. 4 avec le chiffre. Oui, les 4 en chiffres. Donc c'est, je crois que c'est même L4 éléments. Enfin, vous recherchez et vous allez forcément tomber dessus. Il y a même un compte Twitter dessus. Donc posez des questions directement pour avoir des informations. 4 éléments médias. Non. Je pense pas. Alors moi c'est, tant que je regarde vite fait ça. Voilà, tu vois, tu poses une question et de suite il n'y a plus personne. Mais si, parce que moi j'ai juste... Donc c'est les 4 en chiffres _ Julien. Donc les 4 éléments Julien. Les 4 éléments Julien, donc ça c'est son compte, on va les dire. Les 4 éléments et Julien. Perso. Et ensuite c'est, vous faites avatar _, double Rims. _ même, Rims. Pour le trouver. Okay. Et là, vous avez toutes les informations que vous voulez sur le monde d'Avatar Rims. Excellent. Ouais, bah ça, tu vois, comme d'hab, quand j'arrive ici, hop, je vais prendre le temps, je vais aller me voir ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu passer. Mais alors, je sais plus où. Tu vois, je pensais que c'était sur Netflix. J'ai été vérifié, c'est pas dans la base de données Netflix. Quand tu tapes Avatar, donc vu que c'est licencié Nickelodeon, je sais pas si c'est. Non, mais je pensais l'avoir vu par là, donc du coup, ça a été mon premier. Moi, c'est le seul service VOD que j'ai, donc j'ai été voir là. Revan va faire les courses. À tout à l'heure. À tout, Rayman. Bonne course. Bonne course. J'ai failli dire quelque chose, mais non. Elle va faire les courses avec Omar Sharif. Les courses, c'est mon dada. Les vrais auront la ref. Oh là là là là là là. Bon, je pense qu'il est temps de passer au. À noter qu'on avait déjà fini certains épisodes. Non, techniquement, non, fini. Ah, non, c'est pas possible. Ah, si, si, une heure et demie. Non, ouais, on a fait des épisodes qui duraient 1h20. Hein, donc, oui. Moi vivant, jamais vous ferez. Moi vivant. Merde, putain, ça y est, on a niqué le week-end. Enfin, Du coup, est-ce qu'on a un jingle, quelque chose pour ce qui arrive? Oui, mais j'entends l'introduction de. Ah, okay. De G81. The G81 Introduction. Oui. Alors, ben, on va passer au dossier de l'invité, je sais pas. Si oh, les enculés. Non, c'est pas le dossier de l'invité. Là, non. Ah, donc, là, voilà, c'est plus un invité. C'est ce que je veux dire, c'est un société. Oui, mais non, mais c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Mais je l'ai pas. Mais il y a toujours ton document. Mais il veut pas. Enfin, la technique. Donc, c'est une nouvelle rubrique qu'on a appelée. Les questions aux invités. Hein ah oui, c'est ça, putain, mais oui. C'est une nouvelle rubrique, donc on va lancer. Les questions aux invités. Ouais. Oh là. On va lancer, tu viens et où tu vas, c'est ça. Selon les questions qui tombent, je me désolidariserai de ce podcast. J'ai pas de soucis, moi j'ai décrété que cette année ce serait sans filtre. Alors. Donc du coup, on va lancer un petit jingle et ensuite on va vous expliquer de quoi il en retourne. Allez, viens, je t'emmène. Allez, viens. Putain, je savais que c'était ça. Bravo. Tu nous l'avais dit. Bien joué, les gars. Bien joué. Allez, viens. On va manger des chips. Oh, merde. Allez, attends, quoi. Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Si tu savais. Eh ben, je suis bien content que ce petit jingle vous amuse. Ah, parce j'avais deux choix, justement. Il me va très bien. Ouais. Donc, le principe des questions aux invités, on va vous poser... On va vous demander de choisir un chiffre entre 1 et que je retrouve... Putain, ça marche pas sur la tablette, c'est chaud, quoi. Donc, ouais, sur la tablette, c'est un peu... Entre 1 et 78. 9. Ah merde. Ouais, tout de même. 68. Non, 78. Donc, Ah oui, c'est coupé. C'est un peu compliqué. C'est coupé. Un nombre chacun, ouais. Qui correspond à une question. On va vous poser la question et vous y répondez comme vous voulez. Alors du coup, on va commencer par Jonjon. Oui, parce que je suis le seul pas sociétaire, donc... Autant, pas encore, attends. Oh, c'est jamais. 45, c'est une question de Randall Flagg. Ça m'étonne. Donc, c'est des questions très philosophiques. Donc, quand tu vois un plan dans la rue, vous êtes ici. Comment ils le savent? Parce que le plan est installé là où on est. C'est ta réponse? Ouais. Ok. Ça me va. Putain, ça pue la connerie ce truc. Monsieur Taufeu. 33. Docteur. 33. Ah donc c'est encore une question de Randall Flagg. Il est partout sur Randall Flagg, c'est pas possible. Moi je crée au complot. Je suis très étonné par cette révélation surprenante. Comment fait-on pour se débarrasser d'un boomerang? Bah écoute, tu l'envoies et tu te casses. Mais il revient. Ah bah non, il revient à l'endroit où tu l'as lancé, oui. Mais si tu te casses, il revient à l'endroit où t'es plus, donc tu t'en débarrasses. Voilà. Donc c'était les questions. C'était une rubrique courte. Ah ouais, putain. J'ai connu des rapports sexuels plus longs, pour dire. Avec la main, ça compte pas. Hein. Même. Bon, mais maintenant, on va faire un test d'aveuglité. D'aveuglité. Ouais, c'est un blind test. C'est un blind test. C'est comme la génocidation. Oh là là là. T'as pas un truc d'assoiffant, cela, parce que franchement. Donc, on va tester notre. On va goûter. Donc, on va ouvrir la APA de la brasserie de Vézelay, que j'ai vu mais pas visité. Ça, monsieur qui a le. Alors que Gandalf. Bah non, c'est pareil. Ah, il les voit, mais il les visite pas non plus. Visite pas. Très rarement. Pourtant, Dieu sait que. Oui, c'est dans l'autre sens. Oui, comme ça. Donc, pour info, c'est une IPA. Donc, pour une Indian Ipa. Pale Ale. Ah, il y a quelqu'un qui prépare son. Son quiz. Fétical Ping, là. Ça rigole. Ouais. C'est pour compter les points. Ouf. Fais péter une louchette. Non, ouais. Mais juste une louchette. Ouais, parce que faut que ça fasse le turn. Bah, une louchette. Ah, au pire, j'ai une deuxième louchette. Non, pas plus. On peut tourner celle-là. Non, pas plus, et... c'est juste pour goûter. On va faire un premier tour déjà, que tout le monde puisse goûter. On va goûter. Et après, on verra. Merci. Ah, moi, c'est... Donc, si j'ai bien compris, la suite du programme, c'est un quiz ? Ouais, ça va être un blind test. Alors, est-ce que tu peux nous aiguiller sur le blind test ? Alors, j'attends que monsieur fasse le lancement, que je lance le jingle et après on vous dira tout. Alors, je crois que là maintenant c'est un quiz. Alors, un quiz de notre ami Asto qui va nous faire donc un test de cécité. Exactement. Voilà, par rapport aux animés JP. Donc, JP comme Jean-Pierre. JPP. Comme Jean-Pierre. Comme Jean-Pierre. Et du comme j'en peux plus. Jingle. Non, ça c'est JPP. C'est JPP ça. Ce générique me rappelle à quel point je ne vous ai toujours pas passé de Perfume en fin d'épisode, mais ça viendra. Donc, un test de cécité, exactement. Je vais tester un petit peu, très vaguement. Hein, notre aveuglité, attention. Très vaguement. Votre aveuglement. J'aime bien le très vaguement. Oui, il y a un truc sous la nappe qui m'emmerde. Hop. Je sens que là, ça va être tout l'inverse de mes rapports sexuels, ça va être très très long. C'est rien. C'est le truc pour pas que ça cogne. Ah. Des rapports anaux. Ça va être des génériques, puisque ma thématique pour cet enregistrement, c'est les animés japonais. Oh non, mais quelle surprise! Je suis tout roule-barriqué par cette révélation sur Pandora. Oh putain, mais tu veux dire quoi déjà, roule-barriqué? C'est que t'es... Espanté. Voilà. Je suis quoi? Donc je vais vous diffuser des génériques, des openings, exclusivement des openings. Il n'y aura pas d'ending ou d'insert song. C'est quoi? D'insert song. Je demande un délai de 5 secondes pour moi. Des chansons. Vous avez pas le droit de répondre pendant 5 secondes. Au milieu d'un épisode qui sont pas l'opening, pas l'ending, ce sont des insert songs. Ah, c'est vrai que moi, l'opening, j'ai. Il n'y aura que des openings. J'aime casser open. D'animés. Ouais, toi, t'aimes en rêver surtout. Ah bah ouais. J'en ai pas mal. Ouais. Voilà. je vous propose soit de faire ça chacun pour soi, soit de faire ça tous ensemble, soit de faire ça par équipe, comme vous le voulez. Oh, chacun. Ouais, chacun pour soi. Oui, ça va être marrant. Eh, putain, moi je me suis ça. Hop. Oui, vas-y, toi, j'en ai une autre. Hein. On va mettre. S'il faut pour goûter, tout. Ah oui. Ah, elle est pas mauvaise. Oui. Ah bah, c'est de l'IPA. Hein. Oui, ça sent les pieds, j'ai pas goûté. T'as goûté, Jean-Jean? Ouais. Alors? Bah, elle me plaît bien. Hein. Ah, elle est bien. Allez, on est bien là. Tiens. Une petite rondelle. Alors, bien sûr. Une petite rondelle. Moi, je vais bien manger la rondelle. Si tiens, mange la rondelle, moi, Azertov. Bien sûr, pour ce quiz, donc vous avez choisi chacun pour soi. Alors, il y a quasiment plus de saucisson. Et il y aura. Y a, trois pistes qui ne sont pas tendues. On y va dans la merde. Sinon, ça t'emmerde pas de le couper un peu là, quand il explique. Il y aura également une team chat, au cas où il y ait des gens sur le chat. On sait jamais. Au cas où Pépé voudrait lâcher son livre. Et où Revan voudrait revenir de faire les courses. C'est ça. Tout ça pour acheter une femme. Une femme qui va faire les courses quand même. Alors, tout ça pour acheter un canard. Pour chaque morceau que j'ai choisi, il y aura 3 points à gagner. Un point pour l'animé en question, un point pour le titre de la musique, et un point pour l'artiste. Ok. Vous me rappelez tout à l'heure. On va pas faire durer ça à 1000 ans, donc dès que quelqu'un me donne une des trois réponses... Il a les 3 points. Non, on va laisser un délai. Je croyais que c'était comme au rugby, moi. Je laisse un délai de quelques secondes au cas où des gens aient d'autres informations. Et sinon, je vous donne les trucs et on passe à la suivante. Au cas où Pépé voudrait écouter, surtout. Ouais. Les mecs, ils doutent de rien, d'ailleurs, nous dit Pépé. Ça va être. Rapide, comme dirait Gandalf. J'avoue non, que bah forcément. Pépé, pas mal. Ouais. Donc, ça va être rapide. Donc, moi, c'est pas rapide, c'est très rapide. Des fois, c'est des TV size, donc c'est des versions d'une minute trente. Des fois, j'ai des versions de 4 minutes. Donc, une minute trente, ça suffit. Une minute trente, c'est très largement suffisant. Et donc. Et le mec, il est fier de lui quand il dit ça en plus. Ça suffit très largement. Quoi? No après, film. Après le reste, c'est que de l'amour, c'est de la connerie. Mais oui, c'est ça. Le reste, c'est du remplissage. Ah, c'est moche. Oh putain. Donc j'ai surtout des animés post 2000 principalement. Il y a quelques trucs un peu old school, mais c'est surtout. Genre qu'on trouve des points comme ça. Surtout du post 2000. Il y a des vieux. Et donc voilà, donc on va y aller, hein. C'est parti. Et ça c'est l'attaque des petits pains, ça va ? Oui, on rappelle les petits pains. Oh putain, no c'est le seul que je connaissais. Shinichi no Kinjin, alors l'artiste c'est Toshiba Samsung. C'est un des premiers que j'ai regardé. Non, c'est toujours ça, je vous laisse quelques secondes au cas où... Alors c'est Toshiba Samsung. Ah non, Samsung c'est coréen. Non, c'est Toshiba... Toshiba Nintendo. Et c'est Suzuki... Alors il s'agit bien de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, ou l'attaque des titans. Et dis-toi qu'il veut pas, tu veux pas dire ça. Ah, c'est ce passage-là que je connaissais. Ça, c'est le genre de truc qui donne envie d'écouter des bandes-son japonaises. En fait. Le morceau s'appelle donc Guren no Yumiya. Non, je ne comprends pas. Du groupe Linked Horizon. En tout cas, s'il y a du projet comme qui tue, moi je pourrais le hashtag, ils sauront pas pourquoi j'ai dit ça, mais... Alors, le deuxième, ça devrait aller vite peut-être. FMA. Mais c'est Dragon Ball, ça, oui, c'est Chara. Ouais, là, c'est lui. Je donne le point. Et c'est alors... comment il s'appelle celui qui est dans Jump Project, mais j'ai pas le nom. Il reste l'artiste à trouver si vous l'avez. Impossible. Non, c'est celui qui est dans Jump Project. Ah, oui. Ouais, mais moi, je te dis, moi j'ai 25 secondes de lag avec vos conneries. Prends du la porte, non, non, non, c'est parce que moi je connais pas les intros et tout ça. Moi j'aime bien la version, c'est Kiuna qui avait fait une reprise, le dessin animé Kiuna avec les petites gamines qui chantent, mais qui chantent hyper une en fait. Hop là, hop là. Et c'est le, avec c'est le l'écho, ça fait bizarre. Musique, hein. Alors c'est qui chante? Il s'agit de Hironobu Kageyama. Ah, Kageyama. Kageyama. Non. J'ai Kageyama. Allez, au suivant. Au suivant, putain, oui. Oh putain, bâtard. Macross. Non. Macross Frontier. Ah non. Putain. Goji. Non. Ah ouais. Ça veut dire. Oui, je connais en plus. Non, non, non. Le pire, c'est que je connais, mais je connais quand même la musique. Gundam. On va bien vu ça sur le Gundam. Un point pour Pépé. Evangelion. Oh putain. Ah non, non, il a marqué Evangelion. Non, non, il a rectifié dans la même. Il a même eu le temps de rectifier. Bien joué, Pépé. Faut trouver notre niveau de tristesse. Ah, donc du coup, j'avais bon sur les. Sur le robot. Sur le robot. Sur le mobile suite. Ouais, mais non, non, le robot. Hein. Bon, ça, je peux pas le dire avec. Grosse basse. Et bah, Evangelion, et c'est tout. Ah non, mais c'est déjà pas mal. Tu sais, les artistes là, c'est tous des. Alors, la musique s'appelle. Zankoku no Tenshi no Thesis. À tes souhaits. J'ai fait one point. Moi, je veux bien un truc à Amiam, n'importe quoi. Vite. Mais vite, vite. N'importe quoi, mais vite. Et donc l'artiste s'appelle Yoko Takahashi. Il est tout court. Genre comme Titan, mais... Hop, tu savais passer tout seul le suivant, si vous avez. Death Note. Non, c'est pas Death Note. T'as dit quoi? Ah putain. Ah, si, c'est Death Note, ça. Non. Putain, enfin, plus vite, j'ai regardé. Non. Ah, RGR. RGR. Donc, RGR pour info, c'est un manga de dessin animé de sur le roller. Mais qui ont des pouvoirs. D'accord. Rolleristiques. Qui a été dessiné par. Great, great, oh great. Donc, ça fait des trucs un peu de cul, donc les bosses ouais. Sont dessinés comme des camions. Mais c'est pareil, c'est dessiné de ouf. Comme tu commences à parler méchant, on va être copain. Donc la musique s'appelle Chain. Et le groupe, c'est Back On. Je connais parce que ça passe sur Noël, mais après... Suivant. Ah, Fema. Oui. Oh, Yuita. Yui. Et Again. Again. Allez, hop, t'as les 3 points. Boum, la duchesse d'Aquitaine. Mais c'est la série que tu n'as pas encore regardée. Ouais, c'est Full Metal Alchemist. C'est la Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, d'accord. Putain, à deux mois après, je l'avais, quoi. C'est le premier opening des Brotherhood. Ah, c'est pour ça, ouais. À deux ils mois sont après, ils sont. Je sais que... Louis. Non, mais là... Jojo Gameboy, je suis moche. J'ai pas la réponse sur la fraction de seconde, je suis désolé. J'ai pas la ref. Pourquoi celui-là, je savais qu'il allait partir vite. Yui again, le métal alchimiste. Franchement, je veux que ce soit les bonnes. Je veux que ce soit les croquettes. Pas mal, hein. Il défonce, cet opening défonce. Et même dans l'animé, le générique en fait. Rien qu'en entendant, j'ai des frissons quoi. Regardez la pendule, quand je pense qu'on a même pas vendu fini l'enregistrer le premier. 21h, c'était du. Je pense qu'il y en a qui vont être borderline ce soir. Allez, au suivant. Oh putain! Ah, tu l'avais trouvé à Japan Tard! Mais ça, c'est du Boom Boom Satellite! Et c'est Galloway, non? Oui, Galloway. Ah putain, mais là. C'est pas DDD Demon Destruction. Dead Demon DDD Destruction? C'est ça le nom? Je sais pas ce que c'est le DDD. Ce groupe il déchire. Boom Boom Satellite. Attends, je peux le faire ou pas? Boom Boom Satellite. Le groupe s'appelle Boom Boom Satellite. Par contre, ça me dit pas plus. La chanson s'appelle Shut Up and Explode. Ouh. Et c'était l'animé Xamd. Ah oui, Lost Memory. Alors ça c'était bien, c'était à Jap Inter, personne ne savait, mais c'est le VPPA. Alors ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui peut rester là? Le gars il a fait un point de toute la soirée, mais tout le reste c'était 10 fois plus basique. Ouais. Tout le monde était là. T'es tombé sur le spécialiste de niche. Ouais. Et ils ont mis le truc, ça a duré une demi-seconde, je fais, c'est bon je sais. Et moi j'étais là à côté. Les mecs ils m'ont dit, attends, je peux répéter? Bah c'est... Xam, Lost Memory. Oui c'est ça. Ouais c'est ça. Et c'est Boom Boom Satellite et je peux même te dire l'album. Ça ira. Au suivant. Alors ça c'est Takashi Kitano. Je suis sûr, je vais guetter le chat parce que je suis pas sûr que vous l'avez. Logir Horizon. Un deux, tu te dis un truc que ça existe, que ça existe pas, je savais pas. Princesse Sarah. Non. C'est 2000. Drôle parce que c'est faux. 2000. On t'a dit pas... après 2000. C'est pas du old school. Princesse Sarah, ah oui, je elle vient de dire le titre de l'animé dans la musique. Je sais pas, j'étais en train de. Tout le monde parlait. Guilty Gear, Vampire Knight. J'aurais bien un Sojo dessus. Sojo. Putain, je l'ai entendu ça. Comme une lettre à la poste, fais ce plaisir. Si, je te jure, j'ai entendu. Moi, je casse l'ailleurs. C'est bien petit peu. Ouais, après, je retiens pas. Alors. Aucune idée. Quelque chose, non, quelque chose. Pourquoi pas? Je tente, hein. C'est jamais. Ah, bah, tu peux, hein, c'est comme avec les filles. Il y a la tentative, mais après. Il s'agissait du morceau This Game de Konami Suzuki. Qui était l'opening de No Game No Life. Ah, ah bah non, je connaissais pas. Ça me ressemblait à un truc que je connaissais. J'ai juste vu des contours de ce truc, alors je jamais succès. C'est un animé qui est assez magnifique, No Game No Life, qui est ultra coloré, très très beau. J'ai en termes d'image, il est... Wow. Hop. suivant. Papa. Ils sont plusieurs chaînes, c'est plus chaque Yata, Yata. Kishidan. Non. Plus récent, beaucoup plus récent. Ah, c'est pas le truc là pour le. Comme groupe, beaucoup plus récent. Ah, Asian Film Generation. Non, ouais. Direct majorité. C'est pour ça que je l'ai dit. Est-ce que t'as reconnu la basse d'Asian Film Generation? Je le mets de bouclier. Bah, tu aurais pas pu me combiner comme ça. C'est pour ça que je vais faire tout. Enfin, j'avais c'était pas ça. Jusque là, le point commun de tout cela, c'est que c'est vraiment des trucs qui marchent bien, qui sont super entraînants et qui. Enfin, moi, tu vois, quand je les entends, y'a rien qui me dérange. Non, je me suis basé sur des tops animés pour faire mon magnifique. Ouais, mais j'en regarde pas beaucoup de tops en même temps, tu vois. C'est magnifique. J'ai remarqué que c'était un style qui me plaisait, moi, tu vois, les musiques d'animés comme ça. Oui. Je me suis surpris à aimer ça. Ça, c'est un mode Warrior maintenant. Oh putain le con. Je me suis surpris, moi tu vois, c'est sur l'attaque des titans quand j'ai commencé à regarder que j'ai découvert la bande son, que j'ai écouté le groupe à côté. Quand tu vas regarder ce que les autres font, tu vois, ah ouais c'est pas mal. Et finalement tu te rends compte que tous les groupes qui font des animés comme ça, qui font les bandes son, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Tu laissais pas dans les choses. Avec l'accent yaourt. Avec l'accent. C'est quoi c'est? Oh my god. Ouais. Mo Shinderu. Nani. Il y a un groupe qui s'appelle Flow. Ah putain Flow, mais oui. Espèce de pute. Une bon, musique qui s'appelle Bleach. Colored. Je sais pas trop. Oh. Je te dis Lelouch. Ah Code Geass. Ah, Lelouch. C'est Code Geass. Avec Gilles. Oui. C'est du Code Geass de Louche, la rébellion de Lelouch. Ça ne suffit pas du tout, hein, tu vois. Tu peux y aller à fond. Le morceau suivant. Je monte un petit peu. Putain, le pire, c'est que je connais, mais je ne reconnais pas. Je repose ma bière. J'ai des crédibilités. Je repose ma bière. Mais quoi? Geste d'incrédulité. Est-ce que t'as remis des. C'est à chaque fois des séries uniques hein. Pas mis deux fois le. Je sais pas, le. T'as remis, ça m'a. Donc c'est l'UFMA. T'as tout donné. Ouais, non. Ça, j'essaie d'arriver l'enculerie là. T'as remis de l'enculerie. Ce n'est pas du FMA. Et ça, par contre, on est du NZ6B. J'ai déjà des points déjà. Je te mets déjà un point pour un musique qui arrivera plus tard. Je viens de te dire l'album. Mais il y a un autre connaisseur aussi, donc ça sera au plus rapide. Bien sûr. J'espère que t'auras essayé de nous enculer ça. Je fais bien les musiques dans le Boy Bebop. Le pire, c'est ça, c'est reconnaître la musique, chanter l'air. Ça joue. Il n'y a pas mettre le vin à l'os. Mais ça va jouer. Cette musique a un. Ouais, ça va jouer au titre. En anglais, cette musique s'appelle Bluebird. Buzz au bleu, c'est tout. Là, il répète le titre en fait. Hein. Aoi no Sora. C'est le titre de la musique. Hein? J'ai mis mon bandeau, mais ça m'arrange pas. T'es pas plus un bandeau. C'est car. Parce qu'il y a rien en dessous. Hein. Cherche pas, hein, c'est pas le bandeau qui fait le cerveau. Hein. Donc, la c'est comme si la capote faisait la bite, hein, ça se saurait. Donc l'interprète c'est Ikimono Gakari. Ah putain, mais oui. Ah bah oui, hey, tu m'étonnes. Et les trucs avec les gâteaux. Non, oui, ça me dit, mais je sais toujours pas à qui. Et donc, l'animé. Un blondini qui court les bras en arrière. Naruto, putain. Naruto. Shippuden. Shippuden. Shippuden. Shippuden. Je crois que c'était Shippuden. Allez, next. Shippuden. Senseiya. Il vient de le dire. Senseiya Ashitano. Bernard Minet. Ah mais c'est un du Jump Project aussi. C'est non un chante project, ça. Non. Non. Mais si, c'est un du Jump Project qui chante ça aussi. C'est un groupe hein. C'est un Jump Project. X Révolution. Quoi bon, quoi, c'est X. Oui, c'est un nom de groupe Team Révolution. Essayez de trouver le titre, le groupe je pense que vous l'aurez pas. Bah ça va être Le plus drôle c'est quand même quand on parle. Il vient de dire. Il vient de le dire. Ah moi j'écoute pas. Tu l'as dit? Ah. Tsubasa? Captain Tsubasa? Où ça? Où? Quand? Non mais moi je suis dégoûté, je m'attendais à des Xor le shérif, Sankuka... Non, c'est Xor le shérif. Ah. C'était la dernière fois. Moi ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. J'ai sorti Xor et la compagnie. Oui. On n'a pas la dernière fois avec toi, mais on l'a déjà fait. Ah ouais. Hashtag on le refera parce qu'on fera un jour un crossover de... Non mais un jour vous allez me faire un truc épise là. Oui, c'est l'histoire que je vous mette en bonne race. La fois on avait fait les trucs de série, vous avez... Non mais c'est normal, c'était les années ouais. 90, c'est plus ma génération que vous. Bah aucune idée à part que c'était Senseiya. Pegasus Fantasy. Non, Pegasus Fantasy. Du groupe qui s'appelle Make-up. Make-up. Ouais. Maquillage quoi. Elle est revient du Raven. Ouais. Oui, Raven elle est revenue. Je l'ai pas vu. Elle fait bien de revenir. Hein. Hashtag Shimoneta. Ça sent. Je dis ça, je dis rien. Ça, ouais. Tu peux me mettre un point Shimoneta? Bah je te mets un point. Mets un point à Raven aussi. C'est cadeau. Mets un point à Raven, c'est de ma part. Donc c'est Shimoneta, donc Raven, si tu as le nom de la musique ou de l'artiste. Oh ça, ça sent du de l'Aïdolu. De l'Aïdolu? Aïdolu Bastel. Morning Musume. Un indice pour Raven. Oui. Si tu as le nom de leur groupe des terroristes, tu as le nom de l'artiste en fait, parce que c'est le même truc. Merde. Mais ne le dis pas tout de suite, hein, parce que sinon je vais le dire avant. AKB 48, Morning Musume, les... Oui. Bah c'est Shimoneta ça. C'est Shimoneta oui. Ah. Ils ont le fait hein. Ah non. SOS. C'est ça. SOS ah. C'est pas SOS. C'est rien ni rien SOS. Mais c'est presque ça. Alors on fait visiblement la bise à notre ami Ben parce qu'il nous écoute pas, mais il est en festival BD. Ah. Ouais, ça c'est très méta. C'est presque SOS, mais y a pas SOX. Bien joué Evan. C'est un X à la fin. Ah d'accord. En fait c'est SOX, donc c'est le sigle de leur groupe de terroristes entre guillemets. Parce que mais je connais pas, j'ai entendu SOS. Voilà, c'est des terroristes qui balancent des photos porno dans des lycées. Ah, et en fait, ça s'appelle SOX, alors c'est pour Sex Happen More Often, donc le O de oui. Often, on Christmas, mais écrit oui. Xmas. Xmas. Donc c'est SOX. Ah, cool. Ça a pas l'air mal ça. Et ça, c'est un anime. Ouais, ouais un anime Shimoneta. À 12 épisodes qui est. Bah, tu vois, si t'as déjà vu la photo de Raven avec la ouais, tête avec oui. sur la tête, voilà, bah, c'est ça. C'est ça. C'est le personnage de. D'accord. Raven, t'as pas une photo qui traîne? Si, si, sur Twitter, attends, je la retrouve encore. Non, mais je l'ai gardé. Un fave. Non, mais je l'ai gardé. Allez, morceau suivant. Celui-là, vous l'aurez probablement pas. Avec perte blanche, oui, c'est un peu dur. Ah, moche. C'est le nom du méchant. Oui, mais c'est moche quand même. C'est joli, hein. S'il vous plaît. C'est pas du Asian Kung Fu Generation, arrêtez. On dirait du Asian Kung Fu déguisé, donc ça va être un groupe à peu près de la même époque là. Donc, Yanora dans le blind test, Yanora, vous inquiétez. Sur tout qu'ils ont fait. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. On dirait du Rabouin déguisé aussi. Il y en a qui ont fait du cosplay là-dessus. Est-ce que tu peux donner des indices? Qu'est-ce qu'il est petit? À la donnée, il y a des gens. Alors, c'est une œuvre originale animée qui a ensuite été adaptée en manga. Donc, l'animé est vraiment supérieur au manga et il est extrêmement bon. Bah, je trouverais pas. Il y a absolument rien. C'est C'est l'histoire d'un garçon qui voit le fantôme d'une de ses amies qui est morte. Hein? Ah, oui, Ce qui est bien, c'est que même avec les indices, je crois. Une de ses amies d'enfance qui ça est morte. Ça me rappelle un pitch que j'ai lu, ça. Raised? Hop là. Raised, non? Erase Zero. Irisu. Zero. Zero. Il s'agissait de Anohana. Ah! J'ai déjà entendu, mais. Ouais, voilà le nom de Louis. Moi aussi, mais... C'est un garçon ado qui voit le fantôme de Menma, donc une fille qui faisait partie de son cercle d'amis quand ils étaient vraiment gamins petits. Cercle. Et cette fille est décédée quand ils étaient petits, et il est le seul du groupe à toujours voir son fantôme en fait. Et c'est vraiment très très joli comme. Je suis fantôme. Comme. Donc, ça fait déjà 2 heures d'émission, c'est bon, tout pété. Du groupe Galileo Galilei. Ah bah oui, Galileo Galilei. Et la musique s'appelait Ao Shiori. Shinji. Ao Shiori. Bon. Morceau suivant. Ça, c'est pas une chita. Ça va bien un groupe d'idol. Avec des voix un peu décalées. C'est une idole, c'est une idole ça. Ah oui, ah oui, une idole. C'est Billy Idol. En gros, je suis là que c'est pas mal. Pardon, j'attends pour le chat au cas où. Sinon, je peux vous dire que c'est un animé que Oui Wish apprécie énormément. Non, ça se dirige zéro. Il meurt comme ça. C'est pour ça que je pas de jugement dans ce que je dis. Il meurt comme ça. C'est juste une meurt comme ça. Oh, en tout cas, c'est du ça. Après, c'est, je l'ai pas vu, c'est un mec. C'est de la comédie, c'est très humoristique. Hein. Darkness, Full of Darkness. Non, ça j'ai vu tout le temps. Il y a un truc humoristique, c'est ça? Ouais. Bonsoir. Sors, tout de suite. J'ai pas compris. Tiens, regarde, t'as même la porte là-bas si tu veux. Merde. Mais quoi, c'est drôle? D'accord, c'est. Ouais. Si on veut. N'est-ce pas? Ça, je vois pas ce que c'est. Nishijou. Là, t'as vraiment tapé. Ah bah là, trop fort pour moi. Autant de noms, ouais, ça me dit quelque chose, mais je vois pas du tout. C'est un truc humoristique dont Louis, je parle très très souvent. Bah, quoi, mais il est pas venu, donc tant pis pour lui. Voilà, il a ça vient prendra Ranin Procu. C'est la même. Oui, c'est la même. Attends, faut que j'arrive à passer à la suivante. Le pire, c'est qu'il a dit le titre, et ben j'arrive vraiment pas à le dire. C'est que j'ai cru que je connaissais. Hop. Ah, c'est Gunray. Hein? Gunray. Rigen. Black Lagoon. Pas Rigen. Black Lagoon? Non. Oh putain. Trigen, non? Trigen! Ah ouais! Ouais, oui, je représente. Oui, c'est ça. Lui aurait trouvé direct. Ça, c'est qui ça? C'est vrai que t'as jamais trouvé l'occasion de regarder. Hein. Bon, c'est vrai. J'ai dû voir le premier épisode en. Black Lagoon aussi, putain, quand j'y repense, c'est ce putain de bande son là. Ouais. Trigun c'était très très bon, mais ça c'est ouais. L'opening de Trigun il est. Non, c'est une. Donc l'opening de Trigun qui s'appelle HT de Tsuneo Imaori. La vie. Imaori. J'aime bien pépé, ça pourrait être n'importe quelle musique de bataille de Destiny Warrior. C'est vrai. C'est vrai, hein. Oui. Et là tu vois plein de PNJ qui te courent dessus. Ça arrive jusqu'à la guitare à la fin, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Allez, morceau ah, suivant. Ça, c'était Death Note. Ah, c'était Death Note. C'est oh, peut-être le seul que j'aurais eu l'occasion de reconnaître en faisant une baisée. C'est le seul qui a des points quasiment, et le gars, il dit... C'est... Bah oui. Oui, World's End. Putain, c'est le seul que j'aurais eu. Non. T'as dit quoi? World's End. J'ai retenu un morceau. End, World. The World. The World. Death Note. Bravo, Pépé, c'est ça. Death Note, exact, Pépé, ouais. Et puis il nique le chat. Et le nom du groupe hein. Je sais plus. Parce que c'est pas Maximum Zerman. Et non, pas celui-là. Projet Confiture. Quand tu sais pas quoi dire, tu dis Projet Confiture. Medium Project. Toi, quand tu sais pas, projet comme futur. T'emmerdes pas. La musique de Death Note, il y a le thème de L ou de Light qui est pas mal aussi. Oui, ah bah, le tableau de Death Note. Le thème de Nier aussi est très très bon. De Nier et de L, ils sont très très bons. Oui, c'est Cave Grown. C'est Cave Grown, oui, c'est ça. Et c'était le groupe Nightmare. Gauche Chocomar. Ah, t'es passé direct. Je suis passé direct. Et à changer de trou, on a rien vu. Enfin, ça, on a rien vu, par contre, on a vraiment rien vu. Ah! C'est le voice, c'est Man with a Mission. Voilà, Man with the Mission. C'est Gurren Lagann. Et non, c'est King la King. Putain, ils ont fait quoi comme opening? Naruto? Non, c'est pas Naruto. One Piece. Oui. C'est pas Wiz. Why is your play? Ouais. C'est pas pour la musique. Oui, c'est pour l'anime. Putain. André Rieux. Non, ce n'est pas André Rieux. Non, attends, à la japonaise. André Rieux. Putain, il va être pas belle. Watashiwa. André Rieux. C'est pas pour le truc là qui sort chez Kiwi, mais André Rieux. GG Raison. Qui ira loin comme ça. Avec celui qui a pas de pouvoir, non, c'est ça. Avec les autres, les super pouvoirs, non, c'est pas ça. C'est pas bien quelque chose. Le pire, c'est que j'ai fait le manga à ce que j'ai fait. Bleach ? Non, pas un gros truc. Ouais. C'est pas les gros trucs. Non, c'est pas vrai que Bleach One Piece. Est-ce que vous voyez le truc, le manga là, même s'il a pas de pouvoir, mais il va pas faire un truc de super héros. Non, c'est pas My Hero Academia. Effectivement, le mec qui a pas de pouvoir, c'est super héros. Ouais, non, mais parlez. C'est pas NDS Non Iron Blooded. C'est le Gundam Ibo. Ouais. Le fameux Gundam Ibo. C'est moi les Gundam, avant ce que je vois. Ah, le méchant, c'est pas le méchant en fait. Bon, bah, j'arrête. Le fameux Gundam. Alors, le frère de le méchant, il a un masque. Et oui, il a un toujours. Et sa sœur est avec les gentils. Toujours. La ouais. Gundam est toujours un mec avec un masque. Toujours. Le suivant. Hey, méchant. Ça, c'était le speech de Gundam Wing. Gundam. Il y avait Gundam. Vas-y. Alors mais ça c'est du Asian Food Food Version. Et c'est du... Bah oui c'est FM1. Et c'est Et ça c'est la série que t'as regardé, le FM1 par contre. Ouais. Mais c'est gâteau trop bien. C'est la première. Oui, la première. Ouais, mais attends, mais je suis en train d'attendre... Alors, tu sais pourquoi je vais dire pourquoi je vais pas retenir. Parce que comme je les ai enchaînés sur Netflix, et qu'ils faisaient sauter ma production... Ah oui, sur Telopini. En fait, j'ai dû l'entendre une fois, deux fois, et puis après, comme je saute l'introduction, et bien je l'ai pensé. Après, c'est Kushke, il a Kushke. Le titre, hein. Mais c'est marrant, c'est même pas de celle-là. Replay, Realize, un truc comme ça. C'est un truc avec un guerre, non? C'est un truc avec Free, ouais. Rewind. Reload. Matrix Reload. Non, c'est pas ça. Revelation. Il y en a pas en plus, je me souviens même pas de ça. Rewind. Je les ai vus en concert. Un Bataclan. Et tu ne sais pas encore. Dire qu'il y en a qui sont morts en allant voir. Il dire qu'il y en a qui sont morts en allant voir Eagle of Death Metal. Le Kokano Tank, et Cowboy Bebop. Ouais, Tank. Et je crois qu'il y a un autre artiste sur Yokokano. Et donc il est pas tout seul dessus, il y a une autre artiste. The Seat Belt. Les ceintures de... Bon, ouais, les ceintures de sécurité de la voiture. Merci, Philippe. Ah, mais je vous en prie. Philippe! Mais c'est où tu caches? Il est ici que je te bute, sale enculé. Ça, faut que je regarde aussi. Ah, on a fait le tour, on est passé à 5 minutes. Moi, j'aurais mis la musique métal qu'il y a dans le. Où il y a aussi, on avait des espèces de trucs dans l'espace là. Et il est fait plus de ça. Ah ouais, c'est pas de moi là, c'est un Green Lord qui pousse. De toute façon, rien que là, toute la bannisson, tu peux. Elle est c'est une furie. Carbone. Tu donnes de soi aussi, sans pour rien non plus. Mais justement, sur le live, ils ont repassé l'interview du réalisateur. Hein. De deux et de. Ah, Oui. Et justement, le mieux c'est de mettre des trucs que les gens s'attendent pas. Donc là, c'est un truc que les gens, c'est ce que c'est pas. C'est des opéras, ils ont tout foutu. Ils mettent du jazz. Non, c'est du jazz. Oui, parce que c'était déjà spécial jazz. Ou... Et il fait, du coup, il va faire King of the Soul, donc c'est plutôt de typé jazz. Non. Et tout le monde dit, du jazz. Non, mais de la gueule. Oui, logique. C'est tellement évident. Mais oui, c'est... Non, justement, on m'attend sur ça, je vais hop, je vais mettre sur ça et ça fonctionne. Le coca, non, je suis dead. Le morceau suivant. Morceau chose. Là, ça, c'est l'ouverture de la chasse à courant. La gros LAN. Moi, c'est ce que j'aime pas ici, c'est la soucis. Premier épisode, il est les Japonais qui chantent. One Ok Rock. C'est DWB featuring Fade. Enfin de demander du coup. C'est pas très bien. C'est pas bien. Ouais, je cherche. Mais je pense que c'est bon. Le morceau s'appelle One Reason. Je sais pas quoi. Ah putain, on est toujours compromis quoi. Et on a pas fait la moitié du coup. Hein. De quoi? On est au morceau 19, j'en ai 50. Hein. Oh, mais moi je trouve ça très réaliste, je vais faire un truc de 30 secondes en fait. Oui, alors il est bien, il fait de la guitare. Alors, donc en fait, on rentre dimanche soir quoi, c'est ça? En fait, on repart à l'épisode 1 de l'apéro original, 5h, 5h et 5h. Donc c'était l'opening de Deadman Wonderland. Ah oui, putain, mais j'ai pas regardé les dessins, oui. Va falloir prévoir des gamelles plus grandes du coup pour les épisodes. C'est pas des gamelles qu'il faut, c'est des je sais pas, c'est prochaine fois, c'est une soirée pas là. Pour l'épisode 1. Carrément. Oh, putain, mais quelle horreur. On fait choucroute à la 2, et après on fait moule frite à la 3. Oh, la podcast en gros avec des quiz par paquet de 50 questions. Oh bah oui. Oh ma douleur de ça. Je suis content comme ça. Ah ouais. Moi, tu viens de me dire qu'il y a 50 questions là. Tu m'as perdu. T'imagines, j'en ai trouvé. Enfin, il y en avait deux où j'avais déjà. Je vais en remettre aussi parce que je vais leur faire le j'avais play. J'avais à peu près une idée. Non, mais c'est dommage parce qu'avec une réponse, j'ai deux points puisque c'est le même nom pour la musique et le nom de. Ah, mais ça me parle de l'anime. Il s'agissait de Higurashi no Naku Colony, opening de Higurashi no Naku Colony. Qu'est-ce que c'est Higurashi? Ça revient pas. On va chercher du c'est la saga des Wenzei Cry. Alors, je crois que le Higurashi, du coup, c'est les criquets. Donc, c'est lorsque les criquets pleurent. D'accord. Voilà. C'est une adaptation d'animé de. Non, à la base, c'est des visual novels, donc c'est des jeux vidéo visuels. Il y a les Higurashi no Naku Colony et les Umineko no Naku Colony, où c'est lorsque les mouettes pleurent. Et Natasha Peloni par, donc c'était par Eiko Shimayama. Shimaya, pardon. Et bah putain. Par la merde. Les experts. How are you? Eh, hey, t'as vu? T'as vu l'oreille quand même? Eh, t'as vu ça quand même ce moment où il. Ça me plaît, c'est trop bon. Voilà. One Piece. Naruto? Shippuden? Naruto, Naruto. Ça rigole pas, c'est la suite de Naruto Shippuden. Fajito. Fajito. Ça finit pas par To. Ça finit pas par deux. Ah. Sobito Matuli Sakata. La musique s'appelle Butterfly. Hein? Elle est de Koji Wada. Sonic Adventure. Ouais, c'est cool. Putain, mais t'es même, ça m'a fait quelque chose, j'ai déjà repris ça. Sonic Adventure. Ça, c'est une grosse idée. Tu peux donner des infos sur un anime ou. Enfin, ça finira. Il y a des monstres. No Gear Horizon. L'attaque des titans. L'attaque des petits flammes. L'attaque d'Hollande. Il y a des aventures. La Clagone. Il y a des aventures, il y a des monstres digitaux. Ah, Digimon. Révolution. Code Lyoko. Il y a des aventures. Digimon Adventure. Digimon Adventure. J'étais parti sur. C'est quoi le truc là, Heroes Sword Art Online. Les monstres digitaux. C'est des monstres avec des. Il y a des monstres digitaux et de l'aventure. Un digitaux. Ça, c'est un monstre digital. D'accord. Je t'ai fait un fake. C'est pour les gens sur le chat. Aucune idée. En fait, on va aller marcher demain, c'est ça? D'accord, on va aller marcher demain. Ouais, tu sais, c'est demain à part vers de minuit. Voilà. Et j'aurais dû prendre une veste en fait. Non. N'est pas. Ça, c'est shine. Du shine. Non, c'est du shine. Ce n'est pas du shine. Ça, c'est du chibre. Non. Toshu, il voulait que je sois pété au premier, bah, c'est pas difficile, hein. Alors c'est du une part. Aucune idée. T'as des infos sur un. Je vois pas. Oui, c'est le même auteur que One Punch Man. C'est-à-dire que c'est Mob Sam. Mob Psycho 100. C'est Mob Psycho 100. C'est l'opening de Mob Psycho. T'as vu, je suis là avec mon verre encore. Qui s'appelle 99 du coup, 99, oui. Par le groupe Mob Choir. Mob Choir, c'est-à-dire qu'il est sur le pommier. Ça va passer tout seul le suivant. Hein. Quoi quoi, kim.com. Alias. Replay avec la drogue de personne. Ah putain! Oh mon dieu, trop de rêve! T'as tout fait parce que moi, quand même, après, je suis. J'ai tellement envie d'aller pisser des commandes. T'es con aussi, tu fais des quiz de 50 questions. Non, mais j'avais prévenu que mon quiz était méga long. Mais il y a fait une. Ah non, mais là on est parti sur l'épisode de 2h30, minimum. Oui. Du coup, des infos sur le. On peut pas envisager, moi. Moi, je fais pas le déplacement pour 3 heures d'épisode au cumulé. Ah non, non, ça jamais. De toute façon, il y a 3 épisodes. Enfin, un épisode d'une heure, c'est pas possible. Le minimum, c'est 3 heures par épisode. Déjà, on a fait une demi-heure d'introduction, déjà, quoi. Mais ton arnaquerie, quoi. Ouais. Ah, si, attends, je vais peut-être pouvoir récupérer la musique. Ah bon ? Je sais pas ce que là, sinon. Je crois que ça va faire un peu de sel. Ah non, moi j'ai rien là. Il s'agissait de Inner Universe de Origa, qui est l'opening de Ghost in the Shell Standalone Complex. Tu vas mettre le petit doigt là sur le petit truc. C'est hyper chaud. On se croirait à l'Eurovision, vous voyez, c'est pas faux. Et moi dans le rôle de la France. Je trouve rien. Tu trouverais ton problème cul. Le truc qui sert à rien, tu sais, t'es là, t'écoutes, c'est joli, mais ça fait pas de point. Ah, la poire, ça motive, par contre. Bah, la poire, tu vois, plus ça va, plus elle passe. Hein. Ouais. En fait, au bout d'un moment, ça te brûle la langue, donc y'a plus rien. On est népalais. Non, elle est bonne. Ça manque un peu de fruits quand même. Tu commences à sentir le fruit ou non? Non, toujours pas. Il y a toujours pas de fruits dans ta part, non. Ça manque de fruits. Ça manque de fruits, ça. Il y en a. Attends, tu nous as vite rattrapé par contre. Ouais. Par contre, ça anesthésie bien. Hein. Ouais. Ah. Je suis sûr qu'ils amputent les gens avec ça. Ils amputent les gens avec ça, je suis sûr. Non, ils amputent. Non, non, mais ils amputent les gens aussi. Oh, sûrement. Des infos sur le... J'arrive pas. Honnêtement, j'y arrive pas à son quiz. Je comprends. C'est joli, mais je comprends. Une fille avec un bandeau sur un œil. Albator. Un paquet. Donc, une fille, One Piece. Noir ou... elle est habillée en noir ou le bandeau, il est blanc? Ouais, je crois. La mer noire. Il me semble, hein. Ah, je dis ça, mais je suis pas sûr de moi, parce que j'ai pas vu. Ça m'a dit quelque chose, mais... Avant ce podcast, je doutais déjà de ma culture manga. Another. World. Another, juste Another. Ah, Word. Attention, il sortait un truc, Another Word, alors. Le morceau Kyumu ouais. Densen de Ali Project. Ali Project. Ah, j'aurais... Ali, j'aurais dû connaître. Putain. Si, je connais ça. C'est UFMA. Non. Ah, putain, c'est... Non, putain, j'aurais... J'y aurais... Pourtant, j'y aurais cru. Alors, c'est One Piece. Non. Leech. Moi, en fait, j'ai le soleil qui est que pour moi. Je vais le crever. Putain. Je connais. Ah. Putain, mais ça. Je connais. Je connais. Ah, j'en connais pas 50. Je devrais vite faire le tour. Bakuman. Belzebub. Life. Fairy Tail. Fairy Tail. Putain, c'est ça. Ah, Revan a dit je connais. Hey, j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes et après j'ai arrêté. Je me suis dit que j'allais lire l'anime, le manga. Aller lire l'anime et regarder, non, le manga. Et regarder le manga. Ouais. Ça c'est bizarre, ça bouge tout le temps. C'est chiant. Viens moi cette tablette. Le morceau Snow Fairy de Funkiest. C'est quoi? C'est quoi? C'était l'opening de Fairy Tail. C'est quoi cette bouteille de lait? Alors ça c'est ma bille. Ça c'est ta mère. Je connais. Toi, t'essaies de m'enculer. C'est une défaite, non? Non. Pareil, si vous avez. High School of the Dead. T'as deux points, parce que c'est le nom de l'anime et de la musique. Alors, je te retrouve ça sur ma playlist qui s'appelle Enculerie. Alors. Yoshihasa Hirano and Itaki Hidebeki Taniuchi. C'est pas du tout ça. Ah non, ça c'était Death Note. Mais c'est bien essayé. Un point pour l'effort. Non, c'est la musique de Death Note. Ishida Kyuden and the Akeboshi Rocket. Rocket. Morceau suivant. Ça c'est le jeu de Food Generation, non? Ouais. Et c'est Naruto, ça, non? Oui, mec, c'est une danse. Shippuden. Anata. Atana. Anamata. Anamata. Anamata. Yata. Yata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Attention, que le fais, là. Ça, j'y ai cru. Mais c'est presque ça. Non, mais j'y connais rien. T'as pas ce qui galope. Et l'opening de Trinity Blood. Non, j'ai pas trouvé l'épisode, désolé. C'est bon. Non, c'est pas Matin Matin, non, c'est pas ça. Attends, ils vont dire le nom de la chanson Matin Matin. Comme vous nagez bien, chef. Qu'est-ce que c'est? Attends, je reprends la chanson. Elle a fermé la CEO machine d'or sur le rond, il y a des lustres. Je reprends le là. Arukadate. Aruka Kanata. Ah, Aruka Kanata, voilà. Ah, j'étais loin. Avada Kedavra. Jellyfish, Bebel Jellyfish. Ah putain! J'aime les filles. C'est l'histoire avec Princess les Jellyfish. Princess Jellyfish. Très très bon. Kurage Hime. Kurage Hime. Princess Jellyfish. Très très bon manga. Ouais. À animer, alors, regarde, bon, je pense que vous pouvez me trouver l'artiste. Est-ce que tu nous as mis Est-ce que ça s'est chanté par des japonais? Rocket. Tita, ça chanté par des japonais. Faut le savoir. Ami et Yuzu. Aussi ça m'a. Coco Dake no Anashi, l'artiste. Putain, tu m'as fait rigoler comme un fumet, putain. Je fais de la voix. Il en a plein les lunettes. Il a plein dans le verre. Mais t'imagines, c'était même pas la chope. Il fait ça, il se fait un Washington. Ah, il aussi fait tout à l'heure. Oh putain, avec... non mais faut arrêter les blagues comme ça. Oh, vous avez pas trouvé. Non, mais que tu veux qu'on trouve ça? Que tu veux qu'on trouve ça? Si, si, si, mais c'est... Sur le chat, Revan, est-ce que tu as l'artiste qui a fait l'opening de Princess Jellyfish? Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve ça? C'est pas possible. Je sais pas que j'ai abonné 20ème langue. Vu que j'ai fait espagnol, on aura pas toujours le même histoire, en gros. En tout cas, par des respects du Félix ou tout pas mais... C'est pas bon. Ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours joyeux ces chansons. Non, ok. Ah, d'accord. Il s'agissait de Shamanchi. Bon, par contre, t'as nettoyé les lunettes parce qu'elles sont fondues. Ah là là. Ça pique pas un peu les yeux? Bon, ça va, heureusement, j'avais des lunettes. Du coup, t'as non, pas. Non, mais ça colle un peu sur le bras quand même. Ah, mais ça, c'est pas de la poire. Si t'as Gandalf à côté, c'est pas de la poire. J'ai arrêté de faire des blagues. Aucune idée. Manusume. Non. Ah non, c'est du Lisa. Voilà. Trinity Blood. La chanteuse, c'est Lisa. Lisa, elle est connue, elle est très connue pour un opening en particulier. Ça s'appelle Crossing Field, l'opening. Pas du super haut, ce film. Ouais. Aucune idée de Sing Field. Est-ce que j'ai la lire? Là, ça fait à peu près. La réponse était affichée. Ouais, les deux autres. Ouais, non, mais justement, du coup, je vais pas. Si j'ai pas la réponse de moi-même, ça vaut pas le coup. C'était Sword Art Online. Ah merde, putain, un truc qu'on dit depuis tout à l'heure, quoi. Ah, par contre, elle a une voix la fille là. L'art de l'épée en ligne. Moi, c'est pas en ligne que je lui mettrais l'épée, hein, je te l'ai dit. Le fourreau? Ah, bah non, mais elle est mignonne. Hein. Elle est du physique. Elle est du physique. Oui, c'est un peu primaire, c'est un peu primaire comme réaction. Mais... Bah, quoi? Il y a pas de mal. Non, mais j'essaye de pondérer. Y a pas que le cul, hein. Il a habité les couilles aussi. Vampire Knight. Vampire Knight. Vampire Knacky. Ça me dit vaguement quelque chose, mais aucune idée. Ouais, le morceau s'appelle Lilium de Kumiko Numa. C'est drôle parce que j'aurais pas pu. Et t'as des infos sur l'anime? Putain, c'est un anime que j'ai vu il y a quand même assez longtemps. Une fille avec les cheveux roses, il me semble, qui ne sait dire que Niu ou Nia, un truc comme ça. Du coup, les gens l'appellent Niu. Je crois qu'elle sait dire que Niu. Ah, ça serait pas pardonner Putain, c'est moche. Ah, très très glauque. Très très très très glauque comme anime. C'est bleu. Elfenlied. Elfenlied. GTO. Non, roule avec moi. Driver's Eye. C'est roule avec moi. Driver's Eye, GTO. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, allez hop. La duchesse d'Aquitaine. Ah, mais ça, c'est ma jeunesse. Ah, c'est toute ma jeunesse. GTO. Ça s'arrête un bus d'un coup comme ça, direct. Ah, t'as changé là? Oui, j'ai changé du coup. C'est qu'est-ce qu'il va te donner? Aucune idée. Donc, porno graffiti. Oh putain! Ouais, oui. Un livre qui s'appelle The Days. El Day? El Day? The Day. Et El Cool? C'est là, c'est le live. C'est n'importe quoi. Avec un mec qui a pas de pouvoir. My Hero Academia. My Hero Academia. Il était bien en arrière sur moi. Sans même sur l'écho, il était en arrière sur moi. Jump Project. Projet Confiture. La marmelade. C'est ça dit, comme on dit avec moi. Pas comme avec moi, c'est ça dit. Je pouvais arrêter de sortir des banales. Ça, franchement, ce serait le titre. Dans banal, il y a banal. Ouais, il y a banal aussi. Il y a banal aussi. Momo Hero Coverdale. Non, c'est Yusei Eikoku. C'est un artiste. Eikoku. Les infos sur le Mon Car. Non, je connais pas. Je l'ai pas. Le morceau s'appelle Kosu Mesoroji. Mesoroji. Il s'agissait de Mirai Nikki. Hop, oh, putain, en fait, quel bon manga. Le Mirai, comme à quoi, 12. Je te passerai le premier tome qui est à côté, tu feuilleteras ça. D'accord. Je crois que là, c'est Nikki, là. Jump Project. Quand même. One Punch Man. Et c'est... Mais la musique, c'est pas One Punch. C'est Welcome to the Fight, non? T'es en train de me dire que tu connais tout le monde, tous les noms de toutes les musiques d'un animé? Oh, ça passe en anglais souvent. C'est pas raison, faut quand même mettre devant pour le regarder quoi. Je vais même pas regarder, en plus je connais pas son anglais. Non, c'est à dire que le mec en fait il connaît pas, il a jamais regardé, il a jamais écouté, mais il connaît les noms quoi. Bon, One Punch déjà, One Punch déjà, c'est ça qu'on a. Une fois pour une burne. C'est ça, le premier mot de la musique c'est One Punch. Tu es obligé d'en connaître en fait, quand tu connais. Le mec s'appelle The Hero. Ah voilà, The Hero. Ah oui, ils le disent après, que je comprends pas ce qu'ils disent. Hero, Tora. One Piece. One Piece. Espèce de sodomiseur de maman. Tu as le nom de la musique? Non, je vais pas l'avoir. C'est Flo? Non, c'est Toshinki. On a dit qu'il s'appelle Share the World. Share the World. Ah oui, voilà. Ouais. Voilà, comme si, ça y est. C'est joyeux. Hein. Il a la joie de vivre dans le sol lui-même. Et Haoui qui chante une morceau qui s'appelle Sirigus. Des infos sur l'animé? Oui. Une fille. Qui fait des trucs avec des gens. Qui se bat. Ah, Kill la Kill. Kill la Kill. Avec un ciseau. Demi. Avec un demi-ciseau. Et un costume qui la viole. Un costume qui la possède, ah bon, un peu. Bah. Un peu le problème du premier épisode que je rencontre, c'est. Il la viole un petit peu en fait. Non, je suis pas sur le TV. Japonais, je suis pas sur le TV size là, donc c'est une version de. C'est une grosse basse, ça, ça, ça, ça, Asian Kung Fu Generation. Oh bah oui, quand même. Grosse basse, Asian Kung Fu Generation. On sent les habituels. Ah, je dis pas un concert, c'est... Un animé connu, enfin. Que vous n'avez pas vu. Ok, donc c'est. Mais dont j'ai déjà parlé dans un podcast. Erase Zero. C'est la moitié intro, c'est dommage. Erase. Iris. Erase Zero. Erase. Mickey. Non. Hein? Erase Zero. Erased. Erased. Ah, ah oui, putain. Oh, c'est dur. C'est dur. Erased. Ouais. Eras. Les rêves qu'on lui dit ça. De quoi? T'es dur, hein. T'es dur. Ah, il est pas dur, il en a déjà craché. Et le morceau? Erased? Non, c'est R-E-R-E. Ah, R-E-R-E. Oula. Ça, c'est Maximum The Hormone. Non, le groupe, vous l'aurez pas, parce que c'est un groupe qui a été créé par l'occasion, c'est juste les doubleurs de l'anime. Les Seiyuu. Les Seiyuu. Seiyuu, Seiyuu. Say you together. C'est pas du tout raccord avec la musique, mais bon. Ça fait la batterie monolithique là. Aucune idée. Ils disent beaucoup de fois un certain mot quand même. Bisous, bisous. Non, bisous. Bisous. Kissou, kissou. Non plus. Kissou, kissou. Bisous, bisous. Le chat est décédé. Present. Bisous. Bisous. Bisous, bisous. Non, mais ça, c'est Windows. Sochité. Banodes. Donc, c'est un bisou. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Pas bisous. Bisous. Bisous. Avisez-moi là, Pépé, sans contact, on n'est pas fini. On est qu'au premier épisode. On est au premier EP. Ah non, monsieur, il partir sur 3 heures. C'était Prison School. Ouais, Prison School. C'était pas bisous, c'était Prison. Ah, Prison. Oui, bah oui, évidemment. Imitation non, des femmes dans ce manga. Voilà. C'est comme un troll de... Ah non, maison des... Elles sont marquées. Ils disaient les noms de jeux en... Allez, c'est très fort. Mais normalement avec 3 notes vous auriez dû trouver si oui, vous connaissez. Oui, quelque chose ça. Ça me dit. De toute façon j'attaque 18h pour ouvrir une bière. Ouais, je vais essayer de quoi. T'as le temps que je suis le guacamole, on va voir. Je suis pas un connard. Ça vous dit rien? Non. My Soul, Your Beats, par Lia. L'opening de Angel Beats. Très très bon animé. La quéquette de l'âge. Lupin The Third. Lupin The Third. Elle est pas mal quoi. J'ai dit ça au pif, je pense que ça colle bien le truc. Mais... dans le dire là. Bah, du coup, tu as 2 points, c'est le titre de la musique. Alors là, je suis pas sûr que ce soit la version originale, mais la version originale est de Charlie Cosey. De Charlie Cosey. Aucune idée. Très très connu comme prénom. Ah ouais. Toi c'est ça. Bah ouais, je sais pas, c'est pas que je suis où. Ouais, je suis en fait comme il veut. Le morceau s'appelle Unravel. C'est avec des... vampires. Aucune pas des idée. Vampires. C'est l'histoire d'un mec qui a un rendez-vous avec une fille qu'il a jamais rencontrée, enfin qu'il a vu qu'une fois, qu'il connaît pas trop. Et la meuf le bute. Et la quoi? Elle le bute. Ça c'est vraiment le tout début. Ah putain. quoi tu parles, hein, mais... Continuez. Un truc dans le genre pour moi aussi. Merci Révan. Tu nous aides beaucoup Révan. C'est Tokyo Ghoul. Ah bon, pas Tokyo Ghoul. C'est l'opening de Tokyo Ghoul. Ça, t'aurais pu trouver. Mais non, j'ai pas encore regardé. Lol, j'avais entendu. Que lui tu veux. Donc un truc pour toi, d'accord, je... Visiblement, la culbute... Mais après, quand c'est moi qui fais du sans entendu, hein... Et quand c'est elle, ça passe. C'est fin comme du gros sel, quand même. Ouais. Là, mon pauvre, tu te prends le gros sel par la gueule, t'es pas bien. Je dirais que j'ai eu l'école, j'ai pas entendu. Oh, putain. Oh, oh, oh, oh. Merde, c'est ma faute. Aucune idée. J'ai un peu sur la mine. C'était Gurren Lagann. Sorai Road Days de Nakagawa Shoko. Shoko, là. Mirai. Bleach. Non, à force, ça sort forcément. Donc Sunset Overdrive. Non, la musique s'appelle Astérisk. Et Obélix. Elle est de Orange Ranger. Ah putain, ça m'est quelque chose. Mais ça c'est Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Non. Ah oui, non. Ah oui, c'est vrai. Récent, c'est même l'année dernière. Oh. Le groupe Mix Android, qui s'appelle Paradius Paroxysm, Paroxum, pardon, et c'était l'opening de Rosero. Un des openings de Rosero, mais Mix Android en a fait plusieurs. Ils sont tous très très bons. Tu sais, bon. Samurai Champloo. Samurai Champloo. Oui. C'est Ninja B. Oui. Et maintenant le titre, c'est Battle Cry. Oui. Battle Cry Ninja de Ninja Bay. Et le Theater Brook, l'opening de Doulalala. Alors, Doulalala, c'est comme le... Ah putain. J'aurais eu le début pour Toshu. Non, non, mais je l'avais, mais j'ai arrêté pour écouter ce qu'il disait, c'est pas ça. Ah putain. Team Revolution. Sixième Revolution, putain, t'as vraiment d'artiste quoi. Ça passe souvent sur le live. Putain, oui, ça, c'est là, oui, ça me parle. C'est. Ah putain, oui, c'est connu en plus, c'est aussi. C'est un timing de. Non, ça c'est pas. Depuis tard, il y a des armes avec des âmes. Oui, Révan, mais je te donne le point. Je te donne le point, Révan. Enculerie! Non! Souliteur! Souliteur, mais oui, putain! Je trouvais pas le. Oui. Et la musique s'appelle Résonance. Beck! Beck. I am. Ah putain, I am born in America. Non, I was made it in America. I was made it in America. Tu sais, tu veux faire associer l'America? Ouais, je te donnais le point, mais c'est Hit in the USA. Hit in the USA de Big Crusader. La croisade de la Kéké. Espèce d'envie de pisser. C'était vrai. Celui-là, vous l'aurez pas, je pense. Non. Ah oui, non. Un groupe qui s'appelle Hello, Hello Sleepwalkers. Musique qui s'appelle Goya no Mashiawaze. Alors, c'est un animé sur Goya. Et l'animé s'appelle Noragami. Non, moi, voilà. Déjà, il n'y a pas où Victor, déjà. Là, vous m'avez perdu, mais alors, d'une force. C'est le dernier. Ah non. On a un peu accéléré. Donc c'est le dernier morceau. Alors Concentration. Si tu as passé une heure quand même. Hein. Est-ce que là déjà vous avez quelque chose ou pas? Ça me parle mais je. Non. Vais laisser quelques Après, secondes. J'ai l'impression que tout se ressemble. Vais laisser quelques secondes au chat au cas où. Au cas où. Au cas où, au cas où. Et on repart. C'est vieux, c'est ça? Mais si! Non. Sailor Moon? Inspecteur Gadget! C'est Sailor Moon! Sailor Moon! Bishojo Senshi Sailor Moon S. Bishojo, c'est quand t'es un peu bi avec Bishojo. Et le groupe? Le groupe s'appelle Moon Lips. Lèvres de la lune. Et la musique? Bishoujo. Moonlight Densetsu. Densetsu. Je suis Densetsu. Alors qui c'est qui a niqué le win? Alors de toute façon c'est les. Dis-moi que je suis pas fan. Dis-moi que je suis pas fan. Non, t'as un point. T'as un point. Ouais. Deuxième, le chat avec 3 points. Troisième, Jonjon avec 4 points. Ah, je suis pas. T'as avec l'écho dans les écouteurs, ouais. Ça fait boîte de nuit. Gandalf, 4ème avec 20 points. 20 points? Et premier, Azertov avec 24 points. Ouais. Bah, il y avait 150 points au total quand même. Hein. Hey, j'en ai eu un. T'arrives à en gratter un. Hey, j'ai réussi à gratter un point quand même. C'était pas gagné. Honnêtement, c'était pas gagné. Quand j'ai vu le quiz. Ça, c'est comme Gandalf avec une fille. Je me suis dit, c'est pas facile. Non, c'est jamais simple. Voilà, c'était un petit. Ah, coucou. Alors, ça fait juste 2h40 qu'on y est. C'est pas humain. Oui. Bonjour. C'est pas humain. Bonjour, Ariane. C'est je te rends les rênes de cette émission, parce que c'était toi qui présentais. Alors, je les récupère au vol, parce que là, je pense qu'il est grand temps d'arrêter ce simulacre de. Et je crois qu'il faut aller pisser, quoi. Faut que j'aille pisser. Alors, je crois en plus que pour nos pauvres auditeurs. Si, c'est bon, attends, mais vas-y. Je crois qu'avec nos pauvres auditeurs, on continue avec un morceau de 8 minutes. à croire que tous les raccords de cette putain d'émission de merde. Donc je drop. Oh, j'écoute un peu Mélenchon en direct. T'as perdu. Oui, c'est rien. 10 minutes. C'est une copine à moi. Ouais. 10 minutes. Ah, 10 minutes, ouais. Alors on va écouter. Jingle. Ah oui, putain, attends 2 secondes. Elle est bonne, t'as pas. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descends du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et qu'est-ce qu'on chante? Alors, qu'est-ce qu'on va chanter? On va, ça chante pas vraiment. Alors on va écouter Winter de Björn Riis. Alors Björn Riis, c'est le guitariste. Je crois qu'il est peut-être un petit peu chanteur pour le groupe Airbag. C'est un groupe des pays du Nord là où tu sais, Suède, tout ça. J'ai pas le nom. Je crois qu'ils sont norvégiens, je crois d'ailleurs. Je suis pas sûr à 100%. Non, Airbag, ça sent le suédois ça. Ah non, mais c'est le nom du groupe après. Il faut ouais, non, mais je te dis, ça sent le suédois. Ouais. Et ils font du progressif, et là c'est son second album solo. Le premier était pas top. Le second s'appelle. J'ai plus le nom. Il s'appelle pas Il se je sais bien pas. Au courant. Il s'appelle. Non, c'est Forever Come to the End, ou je sais pas quoi. Forever Come to an End. End, voilà. Très bon album de progressif. Il a eu. D'ailleurs, il a niqué Steven Wilson, parce que bon, voilà. Parce que lui il fait du vrai progressif diront certains. Album très intéressant à écouter, donc je vous laisse avec le morceau Winter, c'est l'avant-dernière piste de l'album, donc qu'on a dit le nom qui est un peu compliqué à dire. Et on n'a fait qu'un épisode, voilà. Il y a quelqu'un qui pleure, c'est Asto. Parce qu'il est, il est en train de dire à notre chat qu'on va probablement décéder avant la fin. Donc je vous laisse avec ce morceau de progressif, légèrement long, bien évidemment. Tout c'est l'inverse de mes rapports sexuels. Et ta bite. Non. Du coup, si, bah, si, on se si. Dit au mois prochain. Vous, en avez, prochain. Vous avez du rabat, vous avez du rabat. Ouais. Et là, on a mis ce qu'il fallait, on a tout mis, on n'a rien gardé. j'ai rien gardé. Bon, ben. À la donc, prochaine. Au mois de novembre. Hein. Oui, à 10 chats. À 10 chats. She